Bonsoir. On est en voiture, je suis dans le bas de la côte de notre maison. Alors, on va partir de là. OK. Fait que, ben, bonsoir, Daniel. Bonsoir, mon cher Néo, et bonsoir à tous les gens qui sont à l'écoute. Ça va bien? Très bien, surprenant. Il neige dans notre coin. On est en pleine tempête. Oui, ben c'est ce qui était prévu au Québec là, pour ce soir. Là, donc, j'espère que tu vas. Ça va bien aller pour toi pour le retour. Oui, ben là, je suis en face de la maison chez nous. Je suis parké dans mon garage. OK, ben voulais-tu que je te rappelle tantôt ou tu étais prêt tout de suite? Non, moi, c'est parfait. OK. On est en onde? Oui, oui. On est en onde? Bon, OK, vas-y, je t'écoute, pose-moi des questions. OK, parfait. Donc, je voulais aborder avec toi comme sujet celui des choix de vie qu'on peut faire dans notre existence. Ouais. OK. Dans le sens que, tu sais, dans la vie, on a des choix parfois à faire, que ce soit le choix d'acheter une auto, d'acheter une maison. Des choix importants comme d'avoir ou non des enfants. Ensuite, de choix... Ça, c'est un choix que je suis en train de travailler dessus dans ma vie, puis je suis rendu à 30 ans, puis je me demande si je vais avoir des enfants ou pas, tu sais, en regardant le contexte actuel, quand on en regarde, quand ça va mal dans le domaine de l'économie, puis ces choses-là, tu sais. Ouais, ouais. OK. C'est un beau projet, ça. Il y a du fun en masse à faire ça, ces projets-là. Avoir des enfants. Oui, ben c'est-à-dire de se pratiquer pour en avoir, c'est le fun, mais c'est de voir si en pratique, à l'époque actuelle, c'est intelligent ou pas d'en avoir, tu sais. Ouais. Écoute, je sais pas si c'est content de ça dans les médias, je suis astrologue. Oui. OK. Et conséquemment, je pense pas qu'un être humain ait un choix dans la vie, plutôt qu'un destin dans la vie. Quand tu me parles de choix à moi, c'est pas compliqué. C'est-tu marqué ou c'est pas marqué? Donc, autrement dit, par rapport aux enjeux de vie, que ce soit avoir un enfant, le moment de la mort, ces choses-là, il n'y a pas de choix, là? Non, pas pour moi. OK. Moi, d'après mes planètes, je suis supposé mourir à 82 ans, même âge que ma mère et mon père. Puis, c'est ça. J'ai pas eu le choix pour mon gars. Je suis bien content d'en avoir eu un, mais je pense pas avoir eu un choix de quoi que ce soit dans la vie, y compris ce que je fais comme travail. J'étais marqué pour le faire. Et puis quelqu'un qui dit, moi, je vais être égal à Ménard, il va falloir qu'il naisse avec à peu près le même genre de programmation, sinon il perd son temps. Mais je pense que Bernard est né pour faire ce qu'il a fait. Je pense que toi, t'es né pour faire ce que tu fais. Puis, je vois ça comme ça. Mais des choix, là, je pense pas même que tu aies choisi de faire ton émission. Ça va jusque là. Ouais, ben, je comprends ce que... Il y a un délai, oui. Hein? Comment? Il y a un délai entre nous, dans nos lignes de téléphone. Parce que quand j'ai fini de parler, ça prend au moins 5 secondes avant que tu te répondes. Ouais, c'est plate, mais c'est ça. Ouais. OK, correct. On s'adapte. On a quoi? Exactement, on n'a pas le choix de s'adapter à ça, mais je me demandais comme par exemple le choix, si c'est une illusion, est-ce que c'est vrai aussi par rapport à mettons, le choix de s'acheter une maison ou une auto? Oui, tout ça. Oui, comme là, j'ai pas le choix d'attendre mon héritage avant d'acheter la maison, parce que même si je choisirais d'acheter la maison, j'ai pas les moyens. Fait que pour moi, le choix, c'est pouvoir faire quelque chose. Puis pouvoir faire quelque chose, c'est bien loin de la liberté, ça. Là. Parce que si tout le monde était libre comme ils veulent être libre, même s'ils n'ont pas les moyens, ils feraient le mouvement pareil. Puis nécessairement, ils feraient des erreurs, parce que pour pouvoir faire un choix intelligent, il faut que tu aies tous les éléments qui soient rassemblés. Le pouvoir de le faire, l'énergie de le vivre, parce que tu sais, c'est beau vouloir consommer tant que tu veux, il faut toujours bien que tu utilises ce que tu as acheté. Là. Tu sais, moi, je m'achète un skidoo le même matin. Ça n'établit pas que je vais être capable de faire des rides si je suis frileux, parce que avec les froids qu'on rencontre des temps-ci, je te jure que je n'aurais pas la capacité physique que j'avais à l'âge de 30 ans ou même 20 ans pour faire de la motoneige. Donc, c'est pas juste une histoire d'avoir envie d'avoir quelque chose. Réfère-toi au livre Le Secret, puis tu auras juste interviewé Linda Ronstadt, puis elle va te faire ça avec l'impression que tu as la liberté de faire quoi que ce soit. Oui, ben justement, c'est sûr que ça ouvre le sujet du libre arbitre là, là-dedans. Oui. Donc, c'est de ça qu'on va parler, ça va être. Oui. On n'a pas le choix de parler du libre arbitre. C'est parce que tu parles de choix. Au quotidien, moi, je regarde. Si tu me demandais comment moi je vis ma vie, moi, j'attends qu'on m'envoie la vibration pour faire quelque chose. Si j'ai pas la vibration, ce que les gens appellent souvent avoir le goût de faire quelque chose, moi, c'est pour moi, c'est pas le goût, c'est la vibration, parce que le goût, pour moi, ça suscite des émotions. Les émotions, je me méfie de ça pour faire de mon initiation. Mais quand je me lève le matin, j'attends qu'on me donne ma feuille de route pour la journée. Fait qu'en d'autres termes, il force le double, appelle ça comme tu veux, Dieu, les anges gardiens, les mythes. Moi, j'attends qu'on me passe, bon, ben là, tu vas faire ça, ça, ça, tu t'en vas là, puis papa, puis je m'assigne pas avec ça. Fait que ça, c'est ma liberté à moi, ça. Mais je vois pas d'autres libertés que ça. Pour moi, le reste, c'est du rêve, là, tu sais. Le monde, ça a bien de l'ego, hein. Mm-hmm. J'en ai déjà eu beaucoup aussi. Puis là, j'en ai moins parce que je me suis fait casser. Mais c'est sûr que quand une personne me parle de choix, ben c'est parce qu'il est encore dans l'illusion qu'il contrôle de cette. Moi, je n'ai plus cette illusion-là. Oui, dans le sens que l'illusion la plupart des gens vivraient à ce moment-là dans l'illusion du libre arbitre. Oh, c'est ce que moi, c'est comme ça je le vois. Mais okay. Je comprends très bien, parce que comme je t'ai dit, je l'ai vécu ça. C'est juste que quand j'ai côtoyé Bernard, je te regardais aller. Puis, on peut pas dire que c'est le genre de gars qui se fait marcher ses pieds. Mais c'est le genre de gars que quand ça arrivait dans certaines expériences, je voyais, entre guillemets, faire des erreurs. Puis je me souviens dans le market, j'avais montré comment trader avec les options, ces choses-là. Et puis, il s'était ramassé une perte. En fait, il a perdu sa maison littéralement parce qu'il jouait fort il jouait fort sa vie, puis il jouait fort dans le marché. Puis ça lui a coûté une sacrée beurrée. Ça lui a coûté sa maison, tu sais. Et puis, j'ai dit, maman, pourquoi tu ne m'as pas appris? Je te l'aurais formé ta position, moi, là. Il dit, non, je suis en fusion, moi, là. Je suis en fusion, il dit, je n'ai pas le contrôle de ce que je fais, là. C'est shit. Toi, si tu ne l'as pas, je peux l'avoir, tu sais. T'avais juste à m'appeler, je t'ai fermé ta trade, il y avait rien là. Tu me donnes ton numéro de passe, on va te passer, puis banjo, c'est fait. Il revenait tout le temps à l'affaire qu'il y ait une fusion, puis qu'il n'y avait pas le choix de le faire. Là, quand j'ai commencé à me raconter comment ça se passait dans sa vie, avec le trading, parce qu'il faisait quand même pas loin de 10 000 par semaine, tout, ben, j'ai dit, ouais, là, je comprends pourquoi ils t'ont fermé le clapet là. Parce qu'il y avait tout ça le monde dans la maison qui disait, ben, s'il fait 10 000 par semaine, on va y dépenser 5 000. Mm-hmm. Les forces se sont servies de lui pour dire aux autres, hey, le robinet est fermé. Il n'y en aurait plus comme ça. Donc, vous voyez bien que ce qu'il faisait, ça avait des conséquences dans sa vie personnelle. Et puis automatiquement, les forces étaient intervenues là-dedans. Puis comme il était fusionné, ben, c'était facile de fermer le robinet. Parce qu'il y avait juste à l'empêcher de téléphoner ou l'empêcher de rentrer sa position. Mais tu sais, c'est violent, ça, là. Dans le sens que c'est vraiment pas tout qui mène, hein. Puis pourtant, c'est le genre de gars qui avait de l'air à mener bien des affaires. Mais ouais, c'est pas ça. Lui qui le met. C'est ça. Vous le liez, vous autres, quand vous parlez de supplémentaire, on dirait que c'est toujours un pouvoir que vous pensez que vous allez avoir pour faire ce que vous voulez. Et non, c'est pas comme ça. Vous êtes des petits canals qui sont au service des forces et qui doivent, bon gré mal gré, exécuter qu'est-ce qu'eux autres décident et veulent pour des raisons qui sont foutument intelligentes que les vôtres. Fous-tous moi là-dessus. J'ai une question du public. Il y a Six Sense qui pose comme question qui est l'initiateur du plan de vie pour chacun, Daniel? Parce que tantôt, tu parlais d'astrologie, là. L'astrologie, comment je te dirais ça? C'est le code légal de l'astral. Pas mal plus, ça s'adresse pas mal plus à la programmation de l'âme que ce qu'on pourrait appeler le rapport avec ton double ou ton contact. C'est comme s'il y a deux mondes qui se côtoient sur la planète, le monde astral puis le monde de l'esprit. C'est le monde de l'esprit qui met l'énergie dans le plan astral. On va donner un exemple. Tu as une lampe. Bon, ta lampe, c'est l'ego et l'âme. Et puis l'électricité, c'est l'esprit. Fait que l'ego et l'âme sont des matières inertes quand on les regarde en dehors de l'esprit. Donc, il n'y a pas d'activité. On pourrait appeler ça le monde de la mort. Le monde de la mort était justement un paquet de lampes qui sont chez Walmart, puis qui attendent d'être achetées par un esprit qui va l'habiter, donc qui va être plugué dans une prise de courant pour être activé. Fait que quand vous me parlez de liberté, si l'esprit est sorti, il n'y a plus sa puissance à la liberté parce que vous êtes mort. Tout ce qui est vivant sur la planète est nécessairement habité par l'esprit. Dans le temps, dans les anciennes religions, on parlait que c'était Dieu qui animait tout. Et que sans Dieu, ben, tu étais en enfer. Conséquemment, tu étais dans le monde astral, le monde de la mort. Donc, si on me pose une question, qu'est-ce qui s'occupe de l'individu? Ben, c'est nécessairement du monde de l'esprit que l'existence part. Donc, on a autant de vie qu'on a d'esprit qui habite l'ego et l'âme, ou qui passe à travers l'âme, parce qu'en final, l'âme, c'est simplement une programmation. Mais quand on parle d'astrologie, on parle d'âme, tu m'entends-tu? Oui, je t'entends, c'est un petit peu saccadé. Okay, c'est pas une ligne qui essaie de rentrer. Fait que c'est sûr que là, l'esprit, lui, c'est comme une espèce d'énergie d'ensemble qui s'occupe de chaque individu, qui est une parcelle d'un ensemble, qui est parfaitement organisé pour être le plus harmonieux possible. Même si vous autres, vous regardez, ça va mal, puis ça va bien, ça va mal, ça va bien. Le ça va mal est toujours relatif à une perception, à une lecture. Comme j'ai déjà expliqué, si vous avez du mal, c'est parce qu'il y a un besoin de développement d'une contenance et d'une consistance dans l'être. Parce que plus les vibrations passent, plus ça monte, plus l'esprit habite l'ego et l'âme, plus l'être devient éthéré, donc il devient spirituel. Et pour, des fois, c'est pour éviter que l'être devienne trop spirituel, qu'il soit plus capable de vivre en matière, bien, il lui impose des expériences que les gens qualifient de mal pour lui donner de la densité. Un extraterrestre qui viendrait d'une autre planète, la première chose que les gens remarqueraient, c'est son niveau d'intensité et de densité pour pouvoir voyager à travers le cosmos. S'il n'y a pas cette densité-là, il va s'effriquer dans les voyages galactiques. Donc, les forces travaillent pour amener les gens au même niveau de science et de conscience que certaines races extraterrestres, et conséquemment, ils sont obligés de les emmener à vivre des crises, des conflits, des expériences extrêmement difficiles pour les amener à une densité. Le matin, quand tu es stressé ou que tu es dans un combat quelconque, ton corps est plus rigide, et tes cellules se densifient beaucoup, et c'est voulu par les forces, ça, sur des périodes de siècles, même de millénaires, si on le regarde de ce point de vue-là. L'individu grandit en conscience, devient plus éthéré, donc il y a des expériences matérielles qui sont plus denses, donc qui sont plus liées au mal. Dans ce sens-là, c'est sûr que ce qui s'occupe de toi, c'est pas ton âme, c'est pas ton ange, c'est simplement ta propre ressource qui s'occupe de faire un équilibre entre la densité et le côté éthéré, c'est-à-dire entre le côté spirituel et le côté matériel. Pour tout faire ça simple. Mais que, c'est sûr que c'est plus complexe que ça, là, mais tu sais, j'ai pas deux jours pour vous expliquer tout, là. Ouais, je comprends. Mais des fois, quand... Dans mon cas, là, puis dans le cas de Bernard, c'est la même chose, puis il y en a plusieurs, ça a plein de pancrasse aussi, on n'est pas les seuls, là, faut pas s'imaginer qu'on est des dieux, on est simplement des canaux plus réveillés que les autres, mais tout le monde a accès à cette forme potentiel de communication intérieure qui se fait par la vibration et qui part de notre propre ressource. Okay? Et dans les religions, ils disaient « Dieu est en toi ». Bon ben, vous êtes tous des dieux, toute la gang, excepté que vous n'en avez pas vraiment conscience, vous n'avez surtout pas conscience de ce que vous pouvez faire avec, puis surtout avec quoi vous êtes connecté pour avoir accès à cet aspect, on dit, divin. Là. C'est parce qu'il y en a qui sont encore assez spirituels pour pouvoir référer à des notions d'être supérieur. Là. Bon, que si je vous dis, vous êtes tous des êtres supérieurs, mais il faut que vous appreniez à travailler avec vos capacités, vos ressources, puis de vous prendre là où vous êtes rendu Mais là, tu vas, à un moment donné, tu vas comprendre dans ta démarche que c'est toi qui s'occupe de toi, mais c'est pas toi égoïquement qui s'occupe de toi. C'est toi, c'est un autre plan qui s'occupe de toi sur le plan matériel. Et que partant de là, toutes tes décisions sont pas prises à partir du plan matériel, mais toutes les décisions sont prises par rapport à un plan d'ensemble, donc qui exclut ton petit toi, mais qui va avec toute la surface. La conscience universelle de tous les êtres sur la planète. Et puis, c'est en harmonie sur d'autres plans pour pouvoir créer une harmonie sur le plan matériel. On est comme du sable ici sur lequel des gens travaillent pour faire du verre. Et le verre en question est transparent, il n'y a pas de coloration, puis ça. Mais avant que notre sable puisse devenir du verre, et voir que c'est nous autres. C'est un autre plan qui s'est créé une forme dans le plan matériel, mais ça prend quelques siècles en général, de plusieurs incarnations. Il y en a qui sont plus vieux que vous. Moi, c'est un cas de plus vieux que la plupart des gens que je rencontre. Mais c'est ça, ça marche de même. C'est pour ça que je dis que j'ai une décision. Moi, je suis un gars qui exécute un plan. Je fais partie d'un plan. J'ai à rencontrer d'autres gens qui sont sur le même plan matériel que moi puis qui ont des niveaux de conscience différents. Puis je compose avec eux autres selon la volonté de ma source qui, elle, me dit de faire ci ou de faire ça à tous les jours au quotidien. Et je m'exécute. Peu importe ce que j'achète, c'est eux autres qui décident. Même un auto, même un clétaron, n'importe quoi. Fait qu'autrement dit, l'être humain, c'est pas le décideur, mais c'est plutôt un exécutant. Et voilà. Là, je suis content de toi. Tu as compris ce que je t'ai parlé. Mais en même temps, je serais curieux de t'entendre par rapport, tu sais, des fois on regarde des choses dans l'actualité, comme par exemple le cas d'un individu qui va tuer ses deux jeunes enfants en bas âge, là, à coups de couteau. Ouais, c'est très sauvage, c'est très violent. Puis quand on regarde ça, puis on tient compte que la pensée vient d'ailleurs, puis que l'être humain, bon, c'est un exécutant de force, j'essaie de comprendre c'est quoi la logique derrière ça, tu sais. D'après toi, est-ce que tu penses que ce gars-là a servi à un rôle quelconque? Parce que tu peux pas comprendre sur le plan humain, c'est trop fou, là. On s'entend. Mais il peut avoir servi à faire éveiller des gens. Et ça serait quoi si c'est passé? Ouais, c'est une bonne question. C'est sûr que le fait que tout ce dossier-là a été très médiatisé au Québec a forcé les individus à se positionner par rapport au sujet de la responsabilité individuelle des actes. C'est-à-dire, est-ce que un individu peut être reconnu ou non criminellement responsable d'avoir tué ses enfants en disant qu'il était sous l'emprise d'une émotion? Ouais, moi, je vais aller un petit peu plus loin que toi. Tu penses-tu que ça, en Syrie, au Liban, en Irak, aurait fait plus que 3 jours? Rester en vie plus que 3 jours? Non. C'est sûr que là-bas, ils sont plus expéditifs. Ils vont tuer sur place, ils vont lapider, ils vont... C'est ça. Fait qu'on peut les traiter d'arriérés. Puis on peut dire au Québec, on est trop spirituel. Il y a toutes sortes de façons de le lire. Moi, je pense que c'est un message des forces qui est passé par ce gars-là pour faire comprendre au monde que là, wow, réveillez-vous les boys. Parce que moi, je vais manger, je vais déjeuner à tous les matins chez un Libanais. Et ce gars-là, il s'est mort dans la journée. Là. Il n'y aurait même pas eu de procès, lui, ce gars-là. Oui, ben c'est intéressant ce que tu nous amènes dans le sens que nous autres au Québec, on est tellement doux, on veut tellement faire plaisir à tout le monde, puis s'accommoder, puis on veut tellement pas déplaire qu'à un moment donné, on remet en liberté des gens que ça devrait pas l'être, ou on donne des pains de bonbons, tu sais. Puis on amène ce gars-là en prison, puis je te jure qu'il faut pas qu'il se penche pour amorcer sa barre de savon dans les douches. Parce qu'il va avoir un traitement spécial. C'est ça, parce mais... Tout ce qui s'appelle meurtre de femme, meurtre d'enfant, en prison, les prisonniers sont particulièrement friands de ces genres de gars-là pour lui faire, on va dire, la leçon. Spécial, hein? Fait que il y a des lois pour tout ça dans le coup. Ouais, c'est ça, mais en même temps, quand tu regardes ça, tu te poses la question. Moi, je me suis posé la question, est-ce qu'il n'était pas possédé par des forces astrales ou maléfiques ou luciférienne ou sataniques? Bon, c'est votre interprétation des choses. Mon interprétation à moi, que il a servi à l'esprit à donner une leçon et faire voir aux gens le niveau de spiritualité dans notre région. J'attire beaucoup dans notre région. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de régions au monde qui auraient laissé passer cette folie-là. Donc, pour moi, ça fait autant du mal que du bien pour faire comprendre des choses. Il y a des messages. Des fois, ça carbure aux messages. Donc, c'est ça. Moi, ils me font vivre des affaires qui sont... Des pensées. N'allez pas me dire que vous n'avez pas des pensées à m'amener d'en tirer un dans la rue, là, ne serait-ce que votre belle-mère de temps en temps. Vous passez de Pozac, mais il reste quand même que vous avez des petites vibrations de temps en temps qui ne sont pas piquées vraies. Oui, puis ces pensées-là, dans le fond, qui veulent nous tester pour voir comment on... Parce que la façon que je vois ça, c'est que les pensées qui veulent nous amener à commettre... des meurtres ou des choses qui sont violentes ou agressives, est-ce qu'on peut les voir comme étant des tests pour voir à quel point on a développé notre volonté? C'est pas tellement on a développé notre volonté, parce que là, vous pensez, vous allez finir par penser que vous avez le droit d'agir négativement, alors qu'en réalité, vous ne comprenez pas à quoi sert la négativité. Et c'est ce qui fait que les forces sont obligées de vous emmener dans des drames épouvantables pour vous ramener deux pieds sur terre. C'est votre manque de ground qui fait que le mal, il vous sert. Là, je viens de donner à manger un chat pendant que je te parle. Ce chat-là, il bat toutes mes mâles, excepté deux, ça se bat. Puis ce chat-là, noir, il vit dehors. Puis à moins 25, il était dehors quand on a eu ça cette semaine. Je le nourris en sachant très bien que dès qu'il y a une chance de battre un de mes chats, ça fait. Puis je pourrais regarder ça. Moi, j'ai à peu près, écoute, je lui ai dit gant chez nous, là. Je pourrais le descendre, il n'y aurait pas de trouble avec ça. Je pourrais même, pendant que je... Parce qu'il m'aime bien, évidemment, c'est moi qui le fais manger. S'il survit, il est correct. Je ne le fais pas pour raison. Les forces m'ont dit, à un moment donné, tu as tellement de choses que tu as des problèmes avec tes voisins, puis ce chat-là, il garde tes mâles dans le territoire. Et puis, il te garde autour de la maison, parce que je ne peux pas aller trop loin, parce que quand il s'éloigne, que le chat lui donne le volet. Fait qu'il me sert. Il fait un mal nécessaire pour moi. Il garde mes choses dans la maison, sinon c'est l'euthanasie par la SPCA. Il est très concret, il est très efficace. Puis quand il est à la maison, autour de la maison, il ne bat pas. Parce qu'il sait qu'il va perdre son lunch. Fait qu'en final, c'est très intelligent, mais vu d'un point de vue humain, c'est extrêmement négatif. Mais j'ai pas un chat blessé quand il se bat avec ce chat noir-là. Puis c'est moi que c'est un méchant marcou. Là. J'ai juste un mâle moi, qui tient tête et qui n'a pas peur. Les deux, excusez-moi, les deux. Là. Puis toute la patente est correcte. Il n'y a pas de tension. Mais moi, ce que les forces ne m'avaient pas expliqué, ce chat-là protégeait mes chats sans le vouloir. Donc, qui servait en termes de charge négative à garder mes chats sur mon terrain. J'ai deux arbres et demi de terrain. Fait qu'il y a pas assez. Il y a assez de place pour eux autres, ils n'ont pas besoin d'aller se taper voisin. Ce chat-là servait à ça. Mm-hmm. Mais non, ils ont dit touche pas à ça. Il te sert. On te l'a envoyé exprès pour qu'il reste autour de la maison. Puis qu'il garde des chats chez vous. Ça, c'est le mal, mais lu du point de vue des forces. Lu d'un point de vue humain, on a difficulté à comprendre. Si la société était capable d'avoir une attitude plus rigide, des affaires comme Tchotkop, il serait déjà sans chaise électrique. Mais comme tu faire à faire voir aux gens qu'ils sont trop lousses dans leurs attitudes, ils sont trop lousses avec les enfants, ils sont trop permissifs avec tout ce qu'on peut penser, ben des gars comme ça, ils nous font voir le portrait social. Parce que ça n'a pas d'allure, ce gars-là, c'est pas en prison. Là. Mais d'un autre côté, d'être chez Pinel, dans un hôpital psychiatrique, c'est un autre genre de prison. Parce qu'en maison 12, en astrologie, c'est une prison pour les fous, les hôpitaux. La prison du cours là, pour le criminel. C'est ce que ça représente, la maison d'eau. Il est en prison, mais d'une autre façon. Je ne pense pas que en société, s'il revient comme cardiologue, que le monde, s'ils savent que c'est lui qui va t'opérer, penserais pas qu'il y ait bien d'ouvrage. Si les gens peuvent choisir le médecin là, pour les... Mais en même temps, c'est toutes les autres sont surchargées parce qu'actuellement, dans le domaine de la santé, c'est extrêmement difficile d'avoir accès à un spécialiste. Fait que les gens, au lieu d'attendre une grosse... à faire face à une grosse liste d'attente puis attendre plusieurs mois... Tu sais, s'ils voient qu'ils peuvent se libérer, même s'ils n'aiment pas la face, mais peut-être qu'ils vont passer avec lui parce que c'est une question de survie, tu sais. Ils vont préférer rester en vie que de prendre le risque d'attendre un an ou deux avant de se faire opérer, tu sais. En conclusion, la vie, c'est une question économique. Ça aurait été un ouvrier là, qui tombait dans une chape, il serait en prison. Fait que d'une façon ou d'une autre, on a une lecture dans nos jugements collectif. Comme là, ils font le procès de Shafia. Ils en font beaucoup. Mais c'est plus anglais. C'est plus en Ontario. Fait qu'on se retrouve quand même toujours avec une lecture de la société à travers les mouvements d'un individu. Comment elle pense, la société? Elle est rendue où? Jusqu'où on donne des droits et on enlève des droits? Je passe en cours au mois de février. Parce que j'ai Anima Québec qui est venu se ramasser chez nous, parce que j'ai plusieurs chats, puis ils ont vu que, bon, je ne faisais pas de ménage souvent. C'est sûr, je vis tout seul. Avec 20 chats, ils vont te dire qu'il faut que tu me fasses du ménage 4 heures par jour, quasiment. Fait que là, ils ont trouvé que la maison est un petit peu, disons, désordonnée, chose que même pas de chat, ça fait comme ça, anyway. Et puis, il y avait un chat qui avait une otite. Ils ont dit, votre chat, il a de l'air malade. Je dis, oui, il est sous traitement. Là, j'y montre les médicaments. Puis là, ils disent, ouais, mais il a de l'air très, très, très malade. J'ai dit, il y a une otite purulente. C'est sûr qu'il ne file pas. Hein. Finalement, le chat, il a récupéré. Les autres étaient partis. Ils m'ont envoyé une amende de 275$ parce qu'ils soupçonnaient ou ils pensaient que mon chat était dans une maison qui le rendait malade. Et là, je m'en vais après ça parce que je n'ai pas voulu signer coupable pour avoir à payer une amende de 275$. J'ai dit, je peux te payer votre 275$ pour que ça arrête là, mais j'ai dit, vous ne m'accusez jamais coupable d'être... je ne suis pas responsable d'un otite, c'est du froid, ça. Même le vétérinaire me l'a confirmé. C'est pas de la poussière qui rend une oreille malade. Ils sont fous de même, là. Mais là, tu es dans une société qui veut te faire payer, chercher tous les moyens possibles pour t'appauvrir, puis t'accuser de n'importe quoi. Puis si une personne ne réagit pas à l'euphorie, à la folie sociale, qui va se faire détruire littéralement, économiquement, ça s'entend. Puis éventuellement, il va tomber malade. Fait que, il faut du monde qui ont de la colonne, qui ont du jugement contre une adversité qui est fonctionnaire, si on peut dire. Et puis ça c'est un processus individuel. Fait qu'il y a des gens individuels qui vont être obligés de se mettre en vie et de dire, wow, c'est assez, là, c'est un commandement raisonnable, puis expliquer ça. Faut être capable de se battre dans la vie. Ça devient une question de survie, d'intelligence, de protocole, appelle ça comme tu veux. Fait qu'on a des affaires qui sont épouvantables, que ce soit par le biais de la mafia, qui rentre dans les mécanismes de construction. Mais tu sais, en passant, la mafia dans la construction, là, ça fait 75 ans qu'ils sont là-dedans. Là. C'est pas au niveau d'aujourd'hui, c'est juste qu'aujourd'hui, on commence à cause de tout ce qu'on peut découvrir, on commence à devoir penser à réagir à ça, puis à commencer à faire autre chose que de laisser faire. C'est ça le fait de vivre et d'être connecté avec d'autres. Sans ça, il faut que tu t'isoles dans le bois bien loin pour qu'on vienne te rejoindre. Puis encore là, ils m'ont envoyé des hélicoptères pour aller te chercher. Ouais, ben sinon, sinon, j'allais dire, ils vont t'envoyer des chemtrails, c'est-à-dire, il y a des avions qui passent avec qui laissent des tracés, là. Et dans les tracés, bon, c'est sûr, c'est sujet à discussion, là, mais tout de même, il y a de plus en plus d'informations qui circulent là-dessus sur Internet. C'est qu'il y aurait des résidus de produits chimiques là-dedans pour faire des tests sur la population pour voir comment ils vont réagir si on les expose à tel produit dans l'air, tu sais. OK. On a vraiment de la chair en canon. C'est parce que, tu sais, parler de choix, tu sais, si on parle sur un plan purement psychologique, moi, j'en discutais des fois avec Bernard. Je dis, il va falloir se protéger notre cerveau de toutes les influences, de publicité, n'importe quoi. Exact. Parce que tout est voulu pour avoir le contrôle du cerveau humain. Diriger son centre décisionnel, l'emmener à consommer d'une telle façon, à te faire scanner sur le net pour pouvoir savoir c'est quoi tes habitudes d'achat, tes habitudes de vie, puis etc. Tout le temps dans le but, évidemment, de contrôler ton processus décisionnel. Puis effectivement, Bernard m'a le confirmé, c'est effectivement ce qui s'en vient. C'est pour ça que la conscience mentale est basée sur le fait de ne pas croire. Pas croire, ça ne veut pas dire s'opposer à. Pas croire, ça veut dire garde-toi réveillé par rapport à ce que ton environnement veut faire. Quand on parle de force astrale, on parle de forces qui sont réflexives. Mais vous êtes aussi astralisé que vous êtes réflexif, parce que pour qu'une pensée d'un autre puisse vous influencer, il faut qu'elle soit communiquée pour créer une impression. Dans le monde de la conscience, l'impression, tu es supposé être capable de tout neutraliser ça dans l'instantané. Si tu n'es pas capable de neutraliser l'impression, tu es astralisable. Astralisable, on voit ça comme le diable. Mais le diable, tu es supposé être capable de le neutraliser parce que c'est juste une image de ce que le mal représente. Mais ça peut aller loin, le mal. Tu peux te faire tuer avec le mal. Tu peux parce que tu as des idées. Si tu peux avoir un accident d'auto, tu peux tomber malade. Ça n'a pas besoin d'être un autre qui vient t'assassiner. Là. Tu peux t'assassiner par toi-même, juste par le processus réflexif. Fait que défaire la réflexion, c'est la job d'une vie, ça. Moi, je connais toutes mes zones vulnérables. Je m'organise pour me protéger quand ça se produit. Tu sais, par rapport à mes chats, c'est à peu près la zone où je suis plus vulnérable. Les forces m'ont dit, la clé, c'est que si on t'en enlève un, il faut pas que tu réagisses. C'est ma mesure de tout. Puis quand j'en ai un qui ne revient pas à la maison, ils me disent tout le temps, tu n'es pas responsable, c'est l'animal, il faut qu'il revienne. Si on l'enlève, parce que c'est eux autres qui te l'enlèvent, si on l'enlève, tu sois capable de vivre avec ça. Hey, c'est pas facile, cela, là. C'est ma zone émotionnelle. C'est le seul bout qui me reste, là, mais mettons que elle fait se fort quand ça se passe. Tu sais. Donc, personne n'est responsable de trouver sur quoi il est vulnérable, puis qui s'organise pour se neutraliser le plus possible. Parce que c'est là que le diable peut porter. Si vous êtes dans les jeux de la spiritualité, c'est comme ça qu'il faut parler. Dans mon monde, moi c'est pas. C'est ça. Moi, je ne pense jamais de diable. C'est pas mon référent, là. C'est simplement l'énergie de contraction. Puis de temps en temps, bien, j'ai à passer des zones de contraction, normal. Comme n'importe qui, si je me laisse trop aller, je deviens spirituel, comme la plupart du monde. Quand vous dormez, vous êtes spirituel, vous êtes plus dans votre corps. C'est ça être spirituel. C'est là que vous êtes. C'est là qu'on peut vous faire. Votre plus grande zone de vulnérabilité, c'est quand vous dormez. J'explique même à mes gens dans mes formations, quand vous vous endormez, si vous rêvez, faites-vous jamais battre dans un rêve. Il faut toujours que vous soyez winner quand il y a un conflit dans vos rêves. Tout le temps, réveillez-vous, réglez ça, réveillez, choquez-vous, piquez une colère, puis revenez dans votre rêve, puis arrangez-vous pour être winner. C'est bien important, parce que vous êtes programmé dans vos rêves. C'est dans vos rêves que ça se passe, les conditionnements. C'est pas quand vous êtes réveillé. Quand vous êtes réveillé, c'est trop tard. Votre plan de jour, votre plan d'action, tout ce que vous pouvez appeler, la programmation a déjà été faite. Et si vous avez des choix à faire, c'est quand vous dormez, si vous êtes capable. Oui, mais encore là, il faut pratiquer le sommeil conscient, tu sais. Oui, il n'y a rien à pratiquer dans la vie. Tu as juste à agir sur le fait. Là. Juste de savoir qu'il ne faut pas que tu te fasses battre dans un rêve. Peu importe le niveau de combat, qu'il soit intellectuel, mental, physique, name it. J'ai déjà rasé un cosmos complet, moi, là, pour gagner. Là. J'avais des rayons qui me sortaient des yeux, mon âme, là, ça tombait à coups de milliards de personnes. Là, fait que je dis, no fucking way, vous me plaît, pas ici, c'est pas vrai. Que, quand je me suis réveillé, je devais avoir au moins un bon 50 milliards de personnes de mort, là, tu sais, à mon actif. Mais que les gens ne comprennent pas ce que c'est vivre la vibration. Il y a tellement de situations que vous pouvez comprendre, c'est hallucinant. Mais justement. Mais c'est ça, justement, dans le fond, tu sais, vivre la vibration, là, par exemple, si on a à s'acheter une maison ou s'acheter une auto, comment qu'on vit ça? Écoutez, si vous avez un choix à faire, c'est parce qu'en quelque part, vous êtes insécure. Vous avez vos ressources. Parce que moi, quand j'ai un achat à faire et que j'ai les ressources, pas juste au niveau financier, là, les ressources au niveau d'être capable d'entretenir une maison, c'est bien beau une maison. Moi, j'ai 2 ans et demi de terrain, c'est juste du bois, puis je ne sais pas ce que je pourrais faire avec ça. C'est sûr que je n'allais pas me mettre dans le bois à tondre le gazon. Ça, c'est certain, 2 heures et demie, j'en avais pour 2 mois. Et que, tu sais, j'ai comme une ressource que je ne peux pas utiliser pour l'instant. Peut-être que c'est mon héritier ou mes héritiers, s'il y a facture qu'il y a à un moment donné. C'est sûr que ce sera un projet pour d'autres personnes que moi, parce que moi, je n'ai pas le goût de ce bois-là. Et puis, je l'ai. Mais c'est une ressource qui venait avec la maison. T'sais. Bon. Est-ce que j'ai acheté une maison ou j'ai acheté un domaine? Moi, dans mon cas, si j'achète une maison, j'achète juste une maison, ben, j'ai déjà de la misère à entretenir l'intérieur. Je ne me taperai pas l'extérieur, 2 heures et demie, 3, encore. Mais je l'achète parce que je l'achète pour mes chats. Fait que la principale raison d'achat, c'est mes chats. Fait que est-ce que j'ai la ressource pour ça? Ou la réponse est oui, et je le fais pour une raison donnée. Fait que donnez-vous une raison de faire l'achat. Étudiez votre raison, parce que c'est avec votre raison que vous donnez la forme. Et ce n'est pas la forme qui va vous donner une mesure de vous-même. La forme va avoir la mesure de ce que vous êtes capable de vivre avec. Il n'y a pas de choix là-dedans. Tu as besoin de ça pour telle raison, et puis tu as les ressources, tu rassembles ça ensemble, ça fait un achat d'eux. Bon, c'est sûr que quand ma femme m'a demandé d'avoir un enfant, elle disait, écoute, moi, j'aimerais pas ça avoir un enfant à 35 ans, j'aimerais ça l'avoir à 27 ans. Moi, je n'étais pas prête. Y a-t-il un homme qui est prêt à avoir une psy? Je pense que non. on n'aurait pas assez d'argent, on n'aurait pas ci, on n'aurait pas ça. On oppose à la volonté de madame l'idée qu'on n'est pas en force, on n'a pas les moyens, on n'a pas ci, on n'a pas ça. Bon. C'est toujours la même raison que les gars vont émettre devant une dame. Finalement, madame qui veut avoir un enfant, c'est dit que le gars... Moi, de faire un nœud dedans, il y a des risques que c'est elle qui décide. Hein. Fait que le petit vient, il dit, ah non, dis-moi pas qu'on a un enfant. Elle dit, qu'est-ce que je fais là? J'adore, parce que je le garde. Là, ça devient l'autre discussion. Ouais, OK, je pense qu'on va le garder. Et puis là, on garde l'enfant, puis finalement, l'augmentation de salaire, une augmentation des clientèles, puis tu sais, parce qu'on pense tout le temps qu'on mène le show, nous autres, dans la matière. Alors que quand les forces disent, c'est le temps d'avoir un petit, ils ont prévu le coup. Même si en quatre, ils prévoient le coup. Puis les enfants sont bizarrement, des fois, ils ont une vie serrée, mais ils ont une belle vie quand même. Mais en même temps, c'est ça, mais en même temps, quand on en regarde au tiers-monde, tu sais, en Afrique, ils ont un paquet d'enfants. Oui, mais t'es pas au tiers-monde, t'es au Québec. Ouais, je sais, mais je suis curieux de voir les... C'est quoi la volonté constante de l'ego de voir le drame? Va vivre au Biafra, Chris, là, ça va être justifiable de pas avoir d'enfants. Mais t'es pas au Biafra. Tu tiens pas compte des ressources que t'as autour de toi. Non, mais ils disent, on peut pas s'acheter une maison. Écoute bien, achète-toi un tipi, achète-toi une petite caravane, achète-toi quelque chose qui est à toi que tu vas vivre dedans si tu tiens absolument à être propriétaire. Il y a tellement de façons au Québec, en Amérique du Nord, de réussir sa vie que vous ne pouvez pas créer de l'opposition par insécurité. C'est ça que je te dis. Si tu as les ressources, tu n'as pas de choix. Parce que tu vas faire ce que tu es capable. C'est quand tu es exposé à tes insécurités personnelles et que tu as un manque, donc que tu n'as pas de ressources, que là, tu penses que tu as un choix. Alors qu'en réalité, tu sais ce que tu veux. Tu sais? Oui, je comprends ce que tu veux dire. C'est sûr que c'est vrai qu'au Québec, on a plus de ressources qu'ailleurs, mais c'était plus de le ramener par rapport au fait que, tu sais... Tu mentionnais que, bon, tu as eu des enfants, puis par la suite, tu as eu un peu plus de ressources, mais les forces ont amené ça par rapport à toi, puis tant mieux. Mais quand on en regarde pour d'autres personnes ou d'autres situations, comme les gens en Somalie, qui vont mettre un paquet d'enfants c'est au monde, puis ils vont tous crever. Oui, je sais, mais les forces derrière eux autres sont pas intelligentes. Non, ils vivent pas selon leurs ressources. Ils ont des enfants forcés. La contraception, il faut les exporter. C'est pas de la machinerie. On va commencer par le début, pas avoir trop petit, pour que ça soit gérable. Après ça, on va s'occuper qu'il y ait une éducation pour que, éventuellement, la structure politique, il faut qu'elle soit assainie, elle aussi, pour qu'elle puisse gérer ça d'une façon intelligente. Bon, okay. Mais tu peux pas penser ta vie en fonction d'un endroit qui ne correspond pas à ta réalité. Si toi, ta réalité, c'est le Québec, arrête de parler du Biafra et ça. C'est pas ton univers. Tout à l'heure, je t'ai fait la démonstration que les jugements qui sont portés sur le monde, c'est fait avec la mentalité de la région. J'ai dit, Turcotte, tu le mets au Liban, il finit ce gars-là, il ne fait pas 3 heures dans la rue. Puis au Québec, on peut le traîner pendant 10 ans, puis lui pendant 10 ans pour nourrir les médias, pour faire voir à quel point le monde ça peut être épais ou très intelligent. C'est un pari qu'on fait là, sur l'avenir d'un pays ou l'avenir d'un endroit pour dire il est capable ou il n'est pas capable de faire ça. Puis, donc, les gens misent sur la réadaptation. Bon, réadapter, il faut qu'il y ait une raison de réadapter. Mais là, le gars, il est médecin cardiologue. Là, c'est une bonne raison. Mais pas un gars qui travaille des chats, pas sûr qu'il va avoir le même traitement. Moi, là. C'est ça, puis il va être reconnu non criminellement responsable pour avoir tué ses enfants à coups de couteau. Puis il en a donné au-dessus d'une quarantaine coups de couteau, mais c'est pas de sa faute, tu sais. Il est pas responsable, tu sais. Oui, mais il y a toujours une raison en arrière. Il faut toujours regarder la raison pourquoi le mal se fait. Et c'est là que vous allez comprendre que c'est au-delà de vos volontés personnelles. C'est quelque chose qui se passe sur les plans, qui est décidé par les plans pour donner une leçon. Moi, ma vie, je la vis à travers des leçons. J'apprends tout le temps. Leçon dans le sens que, tiens, t'as pas compris, on va te l'expliquer de telle façon. Moi, j'ai compris la vie sur beaucoup de choses négatives qui étaient finalement très intelligentes de le vivre parce que ça apparaissait négatif, mais en réalité, ça ne l'était pas négatif. C'était simplement une façon de voir qui changeait toute la donne. J'emmène du monde, des femmes en principalement, tirer de la carabine. Tout le monde, j'ai mes voisins, ils veulent pas venir tirer avec moi parce qu'ils disent, hey, non, une carabine, c'est pour tuer du monde, pour tuer des animaux. Il y en a un, je dis, viens, tant que tu viens tirer, on va aller presque au centre de tir. Il dit, moi, je mange pas de la viande sauvage. Je dis, écoute bien, là, à moins que tu manges du papier, là, mais moi, quand je m'en vais tirer, je dis, c'est bon papier, là. J'ai jamais tiré sur aucun animal. Puis, mais non, c'est, dans sa tête, lui, c'est, si t'as une carabine, c'est parce que tu veux tuer. Moi, j'ai des carabines, j'en ai même plusieurs, différents calibres, puis c'est pour tirer sur des fibres de papier. Mais il y a du monde qui sont toqués. Ils veulent voir ça d'une façon dramatique. Puis c'est sûr que je ne peux pas lui faire changer d'idée, parce que c'est ça, ils pensent eux-mêmes, point final. Mais si vous n'avez pas quelque chose pour vous donner une leçon, moi, mes leçons, je les prends par les forces, puis je les prends par ceux qui me parlent, parce qu'ils sont habités aussi par les forces, bizarrement. Même une personne qu'on va dire c'est un épais, il peut t'envoyer un message, c'est un canal. On est tous du monde qui font des canaux. Tous. Il n'y en a pas un sur la planète qui n'est pas un canal. Fait qu'il y a simplement à regarder autour de soi pour avoir toutes les réponses qu'on a besoin. Mais, autant pour le mal que pour le bien. Pas toujours pour des avantages. La vie, l'avantage, c'est d'être. La seule chose que je peux considérer qui permet à un individu d'être riche, pas nécessairement dans le sens économique, c'est d'être cohérent. Si une personne est cohérente, pour moi, elle est riche. La richesse, pour moi, c'est la cohérence, c'est l'équilibre mental, c'est avoir une lecture à 360 degrés. Moi, je me considère riche, mais dans chaud, parce que j'ai une lecture à 360 degrés. Mais je me laisse faire la leçon. Je me laisse faire la leçon. J'essaie de comprendre pourquoi que je vis ça ou ça. Pas juste les aspects positifs, les aspects négatifs aussi, surtout les aspects négatifs. Parce que c'est ceux qu'on ne veut pas vivre, ceux qui sont des avantages, on veut tous les vivre, ceux-là. Mais quand vous êtes exposé à des charges négatives, c'est le temps d'exprimer votre intelligence. J'entends parler par tout le monde, là, que bon, moi, je suis dans la conscience, papa, papa, papa. Ouais, puis quand tu t'arrives une bad luck dans la vie, que ça fonctionne dans ton cerveau, alors là, tout d'un coup, ils ont des shortcuts, là, tu sais, ça marche plus. C'est Bernard, il n'a pas fait de cassette là-dessus. Ah ben, non, ça, tu as besoin d'un dieu. En passant, les cassettes, là, c'est pas si difficile que ça. Avant, je t'écoutais avec Donald, là. Mm-hmm. Des problèmes, ils m'appelleront, mais tant d'années. Ouais, ben, en tout cas, on en parlera peut-être plus en dehors des ongles, là. Mais, comme tu veux, ça ne me dérange pas. Okay. Mais pensez pas que c'est doré, là. Il y en a une qui a décidé de ne pas faire d'argent avec ce café, là, c'est Christine, là, mais c'est aussitôt accessible, comme Donald le disait, de toute façon. Ben, moi, ce que je trouve dommage, personnellement, là-dessus, c'est que les cassettes, il y en a eu une grande quantité qui ont été produites, à ce que je sais, au-dessus de 500, puis ça n'a pas suivi suite au décès de Bernard. C'est-à-dire que ça n'a pas été rendu public d'une manière légale, alors qu'il y a quand même une demande auprès des gens qui l'ont suivi, puis aussi les nouveaux qui le découvrent. J'ai eu plusieurs courriels de gens qui seraient intéressés à avoir accès aux cassettes, puis là, les cassettes sont pas disponibles, fait que... C'est ça l'affaire. Écoute, la raison principale pourquoi Bernard est mort, OK, la raison principale, il n'est pas mort pour rien, parce que il aurait pu servir encore 100 ans. Là. Mais la raison principale, c'est que les gens étaient rendus pour assimiler la conscience, ils étaient rendus à un stage pratique. Un stage où il ne fallait pas qu'il y ait d'endoctrinement. Puis, il y a bien du monde qui aimerait ça pour faire une religion de la conscience supramentale. Puis c'est justement ce que Bernard ne voulait pas. Fait que dans son décès, puis par l'inaccessibilité des cassettes, puis ça, c'est pas parce qu'il voulait ça lui-même, mais souvent, on disait, « Bernard, tu te fais voler, tu stockes, tu te fais voler ta fait voler parce qu'il y a du monde qui cherchait à copier la jeunesse du réel, puis ces affaires-là. Il disait, écoutez, si vous récupérez les gens et les adversaires qui n'étaient pas corrects, tant mieux. Mais il dit, de toute façon, il dit, moi, ce matériel-là, c'est plus mon contrôle, c'est les forces qui m'ont fait parler, fait que ça appartient aux forces de s'occuper du matériel. Tu sais. Puis en final, c'est pas l'être humain qui va avoir le contrôle de son matériel. Pas plus qu'il y ait personne qui va être capable de faire un endoctrinement et faire une religion avec sa science. Il y a des choses qui vont être parlées par d'autres, ça, il y en a déjà parlé. Puis si les gens cherchent juste une information à partir des cassettes de Bernard, bien là, on est sur le bord de faire une religion. Là, parce que là, on parle d'endoctrinement. C'est justement ça qu'ils ne voulaient pas. Fait que, là, comment ça se passe humainement, c'est comme quelqu'un qui veut retenir le matériel. Donald en a parlé un petit peu là-dessus, que c'était accessible. Mais le point qui est important à comprendre, c'est que si les forces décident d'en fusionner un autre, ça, il ne s'appellera pas Robert, je ne sais pas pourquoi j'ai dit Robert, mais il ne s'appellera pas Bernard de Montréal, il va sortir d'autres choses. Mais pensez pas que vous allez fusionner là, si vous n'avez pas une approche, comme je vous dis, d'être incarné. Parce que si vous avez une approche très personnalisée, très réflexive, ce qui va vous rentrer dedans va définitivement vous rendre fou, ça c'est sûr, parce que c'est beaucoup trop de stock à l'entrée des... Il y a des choses, des fois, on est mieux de les laisser sur Internet que de laisser ça sur notre disque dur, parce que même si c'est un disque dur de 3 téraoctets qui est sur Internet, ça ne rentrera pas dans ton disque dur, même si c'est le plus gros disque dur au monde. Parce que, non, je pense que ce qui se passe là, c'est pour forcer les gens à s'individualiser, puis éviter, parce que ceux qui n'ont pas accès facile à ce matériel-là, c'est pour éviter de s'endoctriner. Moi, j'ai eu des gars en consultation là, qui s'étaient enfermés une semaine de temps à écouter tout le matériel après. C'était un séminaire, puis j'étais toutes les cassettes qui étaient disponibles à ce moment-là. Puis là, ils s'en allaient dans le bois écouter ça, puis quand ils avaient une consultation, il y en a un autre qui me dit, « Bon, il y en a un que je ne peux pas rencontrer de mort, je vais y aller avec son lieutenant, puis pose-moi des questions, je suis prêt. » Ou du nono. C'est parce que pour lui, c'était juste une question de langage, c'était juste une question de connaissance. Puis justement, c'est justement pas ça. Fait que j'ai dit, écoute, j'ai dit, bro, ça retourne ça a été fusionné. Tu t'es auto-fusionné, là, puis tu devais être capable d'aller en Europe, en France, porter le message. On va chercher le pierre. Oui, c'est sûr qu'il y a un risque que les individus, justement, tombent dans le piège de la connaissance pour se rattacher aux cassettes, puis en oubliant la vibration, donc s'accrocher à la forme, puis en oubliant la vibration qui est derrière, tu sais. C'est sûr que Bernard est un messager, un messager de, comment je peux dire ça, de très efficace, mais on est tous des messagers potentiels. Il nous a simplement montré ce qu'on pouvait être. C'est beaucoup, mais c'est juste ça. Il nous a montré ce qu'on pouvait être. C'est beaucoup, mais c'est juste ça. Retenez, c'est juste ça. L'essence même de toutes ces crises de cassettes, c'est une démonstration qu'une personne pleine peut parler de même. C'est la seule chose que vous pouvez aller chercher dans les cassettes. C'est l'exemple de ce qu'il y a à faire. Et non pas d'apprendre ce qui s'est déjà, sans ça, vous retombez encore dans la cinquième race. La race de Gélo, là, puis de ceux qui apprennent, puis qui mémorisent. Comme quand j'étais en France, là, parce que la France, en passant, c'est moi qui étais là-bas pour pouvoir ouvrir le chemin. Maintenant, tu es supposé aller en Europe, tu n'as pas abouti, parce que justement, les Français sont des Français. Puis c'est clair que le supramental allait Bernard à Montréal. Ce qui a amené ça en France, c'est maintenant. Mettez-vous les bien dans la tête, puis fumez-les bien comme il faut. Moi, j'ai trouvé ça très, très difficile en France, parce que justement, les gens sont très intellectuels là. Puis ils cherchent à s'approprier tout ce qui apparaît un petit peu intelligent, mettons. Puis ça, tu as été en France en quelle année? C'était en quelle année? Moi, j'étais là, François Payotte, j'étais là en 1988. OK. Bernard, avant de partir, il m'avait dit, oublie pas, là, si tu vas là-bas, il faut que tu entretiennes le mouvement. Ah, je dis, il y a du monde, moi, dans le sens que c'est payé, moi, il y avait tout les beaux. C'est juste 5 heures d'avion, il n'y a rien là. C'est plus long pour moi aller à Bécomo pour faire des conférences que d'aller en France. Ça coûte un peu plus cher, là, mettons. Mais, j'ai du monde, disons, là. Moi, c'est une business. Pour moi, c'est une business. Je suis en business. Je n'ai pas l'intention de sauver la planète. Ça ne m'intéresse pas en tout. J'ai juste l'intention de travailler et de faire ma job. Gagner ma vie. Puis, quand je vois du monde qui veulent partir en croisade, c'est une goudrie. Mais moi, je ne suis pas de même. Parce que la personne, quand elle vient me voir, là, elle a 50, 100 piastres, 200 piastres à dépenser. Elle va faire comme n'importe quoi qu'elle achète, elle va regarder ce qu'elle a pour son argent. Comme ça, ça marche. Et s'il y en a qui pensent qu'on est nés, nous autres, dans le monde compris, pour les sauver, là. Bernard, il est aussi attaché à la matière que moi, je fais de l'être. Donc, essayez de vous déspiritualiser un petit peu, ça va vous aider. Moi, je fais des émissions gratuites avec toi, avec... C'est simplement le goût de... Parce que là, quand je vais éviter 260 000, c'est bien évident, j'aurais moi, un petit peu moins besoin d'argent. Fait que je me permets de faire ça avec toi parce que je trouve ça agréable, ta compagnie. C'est comme si on était au restaurant puis qu'on placotait ensemble. C'est intéressant. Puis si ça sert aux autres, tant mieux. Mais c'est pas plus que ça. Ouais, ben je pense que c'est important de garder ça de même dans le sens de ne pas se créer des attentes inutiles là, par rapport à, aux retombées de tout ça, là, tu sais... Dans non, le sens... Non, c'est pas le couleur, c'est pour dans 100 ans, ça, là. Non, j'ai fait pas mal plus de chemin que tous ceux qui... Tous ceux que t'as interviewé, peut-être accepté Moreau, qui a pas mal fait ce que j'ai fait, là, dans le sens qu'il s'est consacré à ça. Mais encore là, c'est... S'il s'est consacré à ça, c'est parce qu'économiquement, c'est rentable. Yann, c'est pareil. Il a fait de l'argent avec ça, puis... Non, pour ce qui est d'André Moreau, il a roulé à perte longtemps, puis moi-même, tu sais... Il y a un côté de lui qui, dans le fond, lui, il voulait vraiment propager sa philosophie jovialiste, puis diffuser. Il a fait des conférences où on était 6 ou 7 personnes à Québec, puis il venait pareil. Ça représente 12 heures de son temps parce qu'il faisait l'aller puis le retour de Montréal en autobus, puis des fois, il rentrait même pas dans son argent. Mais c'est que lui, il était comme mis en vibration pour diffuser ces idées-là nouvelles, puis ça faisait partie de son agenda, tu sais... Moi, ce qui me concerne... Ça reste que s'il n'aurait pas pu manger avec ça, il aurait fait ça. Il fallait encore qu'il réponde, puis qu'il réponde suffisamment pour lui donner un niveau de vie. Là. Moi, je veux mettre en garde les gens contre justement une spiritualité extrême où ils ont des déceptions puis des zones de conflit. Moi, quand j'ai commencé comme astrologue, j'étudiais en technique administrative. Puis en marketing, j'étais un des top. Dans ma classe. Fait que, j'ai été formé par des gars qui étaient dans l'industrie, puis qui disaient comment mettre un produit à marché, ces choses-là. J'ai pris ça, j'ai dit, bon, ben, moi aussi, je faisais de la stratégie à l'époque. J'ai dit, je vais prendre ça, puis je vais voir si ça marche économiquement. Puis la première année, j'ai fait 5 000. J'étais aux études, puis je vivais chez mes parents. Puis la deuxième année, j'ai fait 10 000. Puis après ça, j'ai grimpé, dans 4 ans, j'ai grimpé à 50 000 par année. Puis là, quand j'ai commencé à regarder pour les emplois, j'ai vu que je faisais autant d'argent que tout ce qu'on m'offrait sur le marché, tant que j'avais du fun. Donc, si tu penses, j'ai choisi, moi, là. J'ai choisi d'être astrologue. Mais j'ai pas choisi d'être astrologue pour sauver le monde. C'est une bonne business, le titre. Puis quand j'ai rencontré Bernard de Montréal, j'étais fatigué de rencontrer tout le temps du nouveau monde. J'étais tanné à tous les ans de rencontrer 1 500 clients par année. Je ne pouvais pas grimper plus parce que j'avais plus d'heures pour vivre. Puis là, ma femme a commencé à avoir sa dose. Fait que, elle a dit, ça va tout le temps. Oui, je sais, mais si tu veux, j'ai la clientèle qui m'appelle. Fait que, il va falloir que tu mets une ligne là-dedans parce qu'elle dit, sinon, je m'en vais. Fait que, j'ai dit, OK, 1 500 par année max, j'en fais pas plus. Ça y est, c'est du monde, ça, là. J'allais à domicile, en plus. Mais j'ai tout le temps fait ça parce qu'économiquement, il fallait que je fasse l'argent puis ça me donnait une bonne paye. Quand je suis arrivé dans le groupe de Bernard, c'était du monde normal que j'ai rencontré. Mais lui, il disait, vous êtes tous des surhommes. Moi, j'ai dit, il va avoir besoin d'aide, lui, ça, c'est sûr. Fait que je suis rentré là-dedans, toujours en me disant que j'étais là pour travailler. J'étais voir Bernard de Montréal, c'est quelqu'un qui m'a introduit à lui. C'est pas moi qui l'a cherché, ce gars-là. ils m'ont été présentés, puis ils m'ont dit, relevoir dans la conférence, le titre. Ah, oui, moi, je ne fais pas de séminaire. Finalement, il m'a fait passer par-dessus tout le monde, il m'a fait faire mes mini-séminaires. Puis là, j'ai eu, tu vois, c'est exactement le genre de gars avec lequel il faut que je travaille. C'est comme ça que ça s'est passé. Ça a été très, très, très pratico-pratique et concret tout le temps. Je n'ai pas été forcé de le rencontrer. Je n'ai pas cherché à évoluer. J'ai simplement continué à faire ma job. Point final, aider le monde à voir les choses d'une autre façon, d'une façon plus psychique. Là, que, c'est ça que je me suis développé là-dedans, mais ce n'était pas mon intention. Parle. Que regardez ça, la conscience supramentale, comme un outil pratique pour améliorer votre vie. Regardez pas ça comme si on ne fait pas ça, on va se suicider. Regardez ça concrètement. Les gens disent tout le temps, Bernard, c'était toujours l'élément pratique. Ben oui, c'est sûr. Tu as dépensé 70$ pour une journée. Il faut que ça serve pour 70$. Et on dirait que le monde, non, il faut qu'il donne quelque chose. Il faut qu'il y ait un lampion à allumer. Ça ne marche pas de même, la vie. Vous vivez avec un corps humain qui a besoin de manger, qui a besoin de s'abriter quand il fait moins 25, qui a besoin de se protéger du soleil, qui a des lois sociales qu'il faut respecter. On est dans un monde concret. Même Bernard avait dit à un moment donné à Yolande, sa relationniste, il dit, je ne veux plus avoir de monde qui sont sur le bien-être social. Dès qu'ils sont sur le bien-être social, ils n'ont pas le droit de faire de séminaires parce qu'ils veulent avoir du monde grandi qui avait une job. Fait qu'il y a un message là-dedans. Si... Mon Dieu, je peux pas comprendre que le monde ne comprenne pas ça. C'est hallucinant. Ouais, ben c'est sûr que moi je suis d'accord avec toi dans le sens que le c'est sûr que moi je fais mes émissions de radio puis c'est pas pour sauver le monde, c'est parce que ça me permet d'évoluer pendant un moment donné dans ma vie. Puis en autant aussi longtemps que je perds pas d'argent avec ça, tu sais, le jour parce que j'aurais pu développer un site, puis ça m'a coûté peut-être 2000 ou 3000, puis j'aurais pu faire des vidéos un peu comme Richard Glenn, mais j'ai pas été dans ce sens-là. Même chose pour des livres, j'ai commencé à écrire des livres puis peut-être j'y publierai jamais parce qu'il y a pas assez de demande pour ça. Mais c'est sûr que moi, je ne voudrais pas à perte là, dans mes affaires. Moi, c'est la principale raison pourquoi je n'écris pas. Parce que c'est pas... C'est pas payant, tu sais. Non, excuse-moi, c'est pas payant. C'est ça, excuse-moi de le dire aussi. Je vais passer des heures à 1$ pour sortir un livre qui va se vendre à 100 copies. Ça m'intéresse pas, ça. Puis que je vais être obligé d'auto-éditer parce que si je fais éditer, j'ai des plugs moi, dans toutes les maisons d'édition. Les maths, là, c'est un de mes chums. Libre Expression, la directrice, c'est une de mes chums. Me l'ont fait de faire des études. Je dis, vous me donnez combien? On a calculé ça sur 200-300 ventes possibles. Puis, fuck, je fais 5 000. Je suis capable de faire des cassettes, puis c'est tout là. Des CD, tu sais. Il y en a à l'air du CD. Là, je regarde pour faire des clés USB. C'est une multiplicateuse à clés USB. Puis, à vendre ça, comme ça. Mais c'est toujours dans le but de travailler, mais là, c'est pas dans le but de faire quoi que ce soit. C'est pas un matériel qui est facile à passer en grand public. Ça, c'est un gros handicap. Moi, quand je m'en vais dans le monde normal, je parle de carabine, de tir, puis de... Je suis déjà dans le milieu des arbres, un original, que je veux pas aller à la chasse, je veux pas être policier, je veux pas être détective. En autre terme, je veux pas me servir des armes contre la vie humaine, la vie trop. T'sais, on parle des animaux, pour moi, c'est de la vie. Tirer son cheveu, moi, je comprends pas. C'est tellement beau, cette bête-là. Là. Mais j'aime énormément l'effet que ça fait tirer. Ça calme les nerfs. Mon homme tire avec le 30-06. Écoute, ça t'arrache l'épaule quand ça tire, ça, ça fait là. Quand tu sais, c'est comme un gars qui te donne une tape sur l'épaule. Vous devriez peut-être avoir quelqu'un qui vous donne une tape sur l'épaule, une bonne tape, là, tu sais. Ça vous coulerait le pompon en disant « Ah, j'aime ça. » Là, je vais dire « C'est pour les masos. » Non, non, c'est pas pour les masos. Ça a un effet, le bruit, le ça. Les femmes adorent ça. Et puis, j'ai plus de facilité à parler d'âme en public que de parler de conscience. C'est très, très, très difficile de rencontrer quelqu'un chez un Tim Horton que tu connais plus ou moins, puis d'y ouvrir la conversation en disant « Hey, savais-tu que c'est pas toi que tu penses? » Hop, t'es là, il change de table. Mais s'il parle de gun, t'as à peu près une chance sur trois qui aime ça parler de ça. Au moins d'être curieux de ça. Même mes voisins qui veulent pas tirer, je suis en train de lui mettre le doute. Ouais, mais on sait, c'est du papier, Jean. Il s'appelle Jean, mon voisin. On sait, c'est du papier. Je sais pas, je pense que c'est un acte assassinat, là, de tirer sur une cible. C'est comme jouer au billard, Jean. Jouer au billard, c'est pareil, mais disons que quand tu tapes sur une boule, ça fait moins de bruit que quand tu tires la carabine, mais c'est le même principe de précision que de tirer sur une boule. Et là, je suis en train de le ramener, là, puis de l'amener à faire ça. C'est plus facile, ça, de parler de gun que de parler à quelqu'un de « Hey, tu savais-tu que c'est pas toi qui penses? » Vous vous embarquez sur un terrain, puis il vous donne pas du gros pouvoir quand vous parlez de conscience, là. C'est pas le sujet le plus populaire, on voit pas ça dans les journaux. Si ça passait dans les journaux, probablement que chez Pinel, il t'enverrait un inspecteur pour vérifier ton état mental, ces choses-là. Dis, hey, vous prônez la schizophrénie volontaire, vous, là, ça marche pas. C'est vraiment un matériel que c'est une grosse curiosité. Et si vous n'êtes pas grandé en plus, vous êtes des sujets d'études pour le monde, là. Que moi, en étant bien grandé, ben, inévitablement, les gens m'ont dit, ben, il est marginal, mais il n'est pas dangereux. Ouais, ben, tu... dangereux. Oui, c'est ça. Ben, tu nommes des points intéressants. C'est que actuellement, le type d'émission que je fais, ou ça peut être toi aussi à travers tes conférences, tes CD, ce type de contenu-là, les gens ne sont pas nécessairement réceptifs. Puis la société est comme formatée pour être réfractaire à ça, parce que la minute que tu dis que c'est pas toi qui penses ou que la pensée vient d'ailleurs, comme tu le mentionnais, les gens vont t'étiqueter schizophrène, puis t'es fou, puis merci, bonsoir, ça se finit là, tu sais. Voilà. Voilà. Je suis totalement d'accord avec ça. Ben là, il appliquait beaucoup, beaucoup dans ses conférences publiques, comme quoi il fallait être des bons citoyens, tu sais, en disant faut que vous soyez capable de payer vos impôts, que vous soyez capable de travailler, tu sais, que vous ne coupiez pas de la société non plus. Pour pas que ça devienne un handicap. Les conférences, quand je te dis qu'ils coupaient les gens qui étaient sur le bien-être social, c'est parce qu'il y avait du monde qui se pique pas de mayonnaise. Hein. Et se fait des tripes de conscience, un peu comme tu fais des tripes de cocaïne ou des tripes de marijuana, là. C'était pas son trip pensé par lui. Là. Mais d'un côté, je trouve, peut-être tu vas être capable, mais j'ai de la difficulté à comprendre pourquoi qu'il y a des gens qui sont mis en vibration pour parler de ces choses-là. Puis à quelque part, il n'y a pas vraiment de demande pour ça. Mais en même temps, les gens, j'ai reçu beaucoup d'invités, puis je les sens très, dans le fond, animés par ça. Ou peut-être que je fais une lecture qui n'est pas adéquate, mais je sens qu'il y a beaucoup de gens quand. Ben, beaucoup de gens. C'est-à-dire que, non, il y a une quantité restreinte de gens qui s'intéressent à ça, qui me semblent être branchés. Mais en même temps, tu n'as pas le output qui va avec ça, c'est-à-dire tu n'as pas le public, tu sais. Il y a beaucoup de choses qui sont faites dans la vie, puis dans lesquelles les gens dépensent énormément, juste pour être original. Il y a beaucoup. Moi, j'étais dans le milieu de la moto longtemps, puis des gens là, qui vont investir sur un Harley qui les a déjà coûté 25 000, qui vont investir les 25 000 de plus, juste pour, on appelle ça en anglais, customiser leur machine. J'avais un voisin pas loin de chez nous qui avait un Harley, il était rendu à 65 000 pour un en chrome, en tout ça, de bébelles, puis gadgets. Puis 65 000. Si je pensais sur un genre de taux que tu peux avoir à 65 000, un beau Audi A6 ou des affaires comme ça, si tu vas dans le milieu d'usager, c'est une Porsche 911 Targa 4 roues motrices. 65 000, c'est un bicycle à gaz qui se fait, qui peut se faire partir sur une glissade là, parce qu'il n'y a pas une trappe d'huile sur la route, n'importe quoi. Là, tu sais. Quand tu connais tous les dangers qui se collent à la moto, là, les petites roches dans le visage, puis même les gros de bits que tu t'arrives, quand tu roules à 100 kg, c'est un qui tape sur une épaule, tu penses à la clavicule de casser. Tu as payé 65 000 pour vivre ça. Ben, il y en a qui le font, puis il y en a beaucoup. Si aux États-Unis, tu vas en avoir encore plus. Donc, tu sais, il y a tout le monde faire un monde. Puis en finale, c'est là qu'on trouve ça drôle, c'est qu'ils n'ont pas le choix. Ils ont le goût, ils vibrent. Ils vibrent, cette folie-là. Là. Fait que peut-être que moi, j'en suis un de ceux-là là, qui voulait être original. Je suis verso. Ouais, mais moi aussi, je suis verso. C'est peut-être pour ça qu'on se parle aussi. Deux flyers ensemble. Ouais. Ça doit faire un bon show. Pendant que tout le temps, on ne parle pas pour soi, on parle pour les autres. Il y a absolument raison là-dessus, parce qu'en final, quand tu écris un livre, c'est pour être lu. Hein? Puis c'est le lecteur qui va te donner ton jugement final. Donc, si dans le jugement final, ben, les gens se disent si tu dis ça, ça va pas. C'est toujours la personne qui écoute qui a le dernier mot. En final. C'est celui qui est dans le silence, ça. Ce qui va dire, ah, oui, ce ménage, je l'aime pas, j'aime mieux l'autre, puis j'aime mieux ici. Puis je pense que si on est capable de courir à 25 personnes ou 360 degrés qu'il y a à couvrir, ben, je pense qu'on va avoir atteint notre objectif, c'est une base de 100 ans. Parce que moi, je ne fais pas de division. Quand je vais être mort, l'un et l'autre va continuer. Là. Ouais, c'est ça. Il y a toujours de la continuité là, des gens. Mais est-ce que éventuellement ce mouvement-là va prendre de l'expansion? Écoute, honnêtement, je me pose la question. Je vais dire, j'ai bien de la misère à comprendre que le Christ est parti de la religion. Parce qu'il était juste avec une gang de 12 personnes. Puis je pense que c'est ceux qui ont couru après pour les faire manger par les lions qui lui ont fait le plus de publicité. Tu viens du Christ? Oui, oui. Oh, oui, Jésus. Oh, oui, oui. Ça n'a pas commencé gros. Ça allait juste donner du temps. Moi, j'ai toujours des doutes sur la véracité des Écritures de la Bible par rapport à l'histoire d'origine, tu sais. Bien, c'est l'essentiel de son message. C'est comme Bernard disait, il dit, lui, il a descendu la vibration de l'amour. Il dit, moi, je descends la vibration de l'intelligence. Tu vas trouver ça prétentieux qu'un gars dise, je me mesure à Jésus de Nazareth. Ben, je dis, quand il y a avec le Bouddha, tu es mesuré à Jésus, il y a eu Mahomet. Tu sais, il y en a pour toutes les régions. C'est ça que je vais mettre, ça, je vais mettre en relief. Là. Peut-être que la conscience supplémentaire, c'est juste pour le Québec ou c'est juste pour la race occidentale. Ça rentrera jamais en Asie pour X raisons. Mais moi, ça, je m'en fous. Il y en a qui donnent l'importance à ça, puis moi, j'ai pas le prototype fanatique de la main. C'est le prototype économique. S'il y a une affaire qu'il faut être intelligent dans la vie, c'est de survivre. Moi, si tu me dirais, c'est quoi pour toi une personne intelligente, tu m'as toujours te donner la même réponse. C'est quelqu'un qui réussit à survivre dans la vie. Quand je vois des gens qui sont capables de survivre à des situations quelconques, là, ça n'a pas d'importance le type de survie. Il y en a qui divorcent et ils veulent se donner à mort avec ça. Ben, s'ils réussissent à passer à travers l'expérience de leur divorce, ben, ils sont intelligents. Être intelligent, pour moi, ce n'est pas une mesure hein, de passer un examen à quelqu'un comme à l'université. Donc, être intelligent, c'est trouver le moyen de t'adapter à un environnement social pour pouvoir passer à d'autres choses. Puis ça, c'est supporté par les forces parce que pour moi, ça, un individu s'adapte parce qu'il y a des ressources. Il faut toujours que dans la vie, tu aies des ressources. Tout le temps. Donc, tu déménages le pays. Qu'est-ce qu'il faut que tu emmènes? Ta monnaie ou de l'or? Ben, il faut que tu aies de l'or. Et voilà. Parce que c'est vrai dans l'autre pays aussi, tu sais, tandis que ta monnaie n'est pas nécessairement valide dans un autre pays. Voilà. Ça, c'est être intelligent. Ben, essaie de trouver un lingot d'or là, demain matin. Là. Va-t'en en banque et demande l'heure de l'or seulement plutôt qu'un papier qui te donne un droit de délivrance de, disons, 30 onces d'or. Parce qu'en général, si tu vas jeter de l'or dans une banque, ils vont te donner un papier. Ils ne donneront pas de l'or sonnant. Si demain matin, tout le monde demandait de l'or sonnant, les banques ne seraient pas capables de délivrer. Ah, c'est clair. Avec l'argent c'est clair, hein? Fractionnaire. Là, mettons, tu as 3 semaines pour sortir de ton pays parce qu'il y a une crise. Trouve-en donc de l'or sonnant. Parce que ce n'est pas un papier qu'ils veulent dans l'autre pays. Ce qu'ils veulent dans l'autre pays, c'est de l'or sonnant. Ça vient changer les règles, là. Ouais, à ce moment-là, je vais peut-être plus investir pour prendre un cours de carabine avec toi. Non, mais cours carabine, là, c'est parce que t'as des idées d'aller chier de l'or d'une autre façon que la norme. Ouais, ou bien faire de la chasse au gros gibier qui. Tu peux commencer à t'acheter une carabine, c'est 1 000$, c'est une bonne, là. C'est mieux d'aller te chercher 1 000$ d'once d'or, là, puis ça va être. Ça va être préférable, mais il ne se passera pas rien de grave si c'est au Québec, inquiète-toi pas. Ben, quelqu'un qui vit dans un pays arabe, lui, par exemple, il peut se demander qu'est-ce qu'il y a pour sortir de son pays. Tu sais. Okay. Ça revient tout le temps à avoir des ressources. Tu es aussi libre que tu as des ressources. Tu es aussi libre dans la vie. Moi, demain matin, je n'ai plus de ressources, finis en conscience. Ça. Je m'en vais me chercher un job de, je sais pas, de vendeur d'automobile ou de fabricant de pain, n'importe quoi. J'ai assez de contacts pour me replacer demain matin. Là. Mm-hmm. Puis ça aussi, j'ai cultivé ça. J'ai cultivé mes contacts. Pas besoin d'être dans conscience, cultiver les contacts. C'est, je cultive des contacts qui peuvent éventuellement me faire sortir du trou si je suis mal pris. j'ai des contacts dans tous les domaines possibles. J'ai même le choix là. Parce que je me demande qu'on a tout le temps du plan B. Plan B étant le plan de mort, B, de mort. Non, c'est une joke. Il faut toujours avoir un plan B. Quand ça va mal, sache comment tu vas t'en sortir. Fait que, s'en sortir, c'est souvent d'être capable d'activer des gens qui vivent dans autre chose que de la conscience. C'est eux autres qui ont vécu, je ne sais pas, moi, d'un plancher, ils ont vécu dans une boulangerie, ils ont vécu dans toutes sortes de domaines. Que ça devient bien intelligent de les avoir là pour avoir un salaire qui va te faire manger, qui va te permettre de t'habiller, de te véhiculer, puis, etc., etc. Hein. Exactement. Faut rester pratique. Puis j'étais curieux de voir un petit peu comment que tu percevais le phénomène de l'endettement qui est de plus en plus présent dans nos sociétés occidentales, où les gens vont s'endetter pour acheter une auto ou une maison. Puis l'endettement des ménages, entre autres au Québec, a augmenté. C'est au-dessus de 110 000 $ par famille. Puis c'est toujours à la hausse au fil des ans. Donc, On culpabilise beaucoup hein, avec les dettes. Comment? Hein, on se culpabilise beaucoup avec les dettes. Oui. Oui. Regarde les États-Unis. Ils se sentent coupables, eux autres, d'être endettés comme ça? Le Canada, la Grèce, l'Italie, la France. Et quasiment juste les Allemands qui ont de l'air blanc. Exact. Tous les pays que je connais, hein, incluant ceux du tiers-monde, qu'on a quasiment forcé à s'endetter pour avoir le contrôle sur leur structure politique. Qu'est-ce qu'ils font avec un endettement, les banques? Ils font des papiers commerciaux. Puis ils vendent ça en banque. Puis à un moment donné, ça ne marche plus. Puis là, qu'est-ce qu'ils pensent qu'ils vont le sauver à peau? Les pays. Ce n'est pas les gouvernements, on va vous dire, individuels, là, comme le gouvernement de l'Allemagne, de la France, avec Sarkozy ou Obama, qui mènent le show. Ce qui mène le show, on va vous dire, c'est les banques. Sauf pas les banques. Tout le monde tombe pauvre. Pourtant, tu travailles chez IBM, puis qu'IBM tombe à zéro, pas à zéro, c'est impossible, là, mais tu partes, je ne sais pas, 200$ l'action, qui drop ça à 20$ l'action. Le gars qui va travailler là-bas, lui, il s'en va toujours travailler là-bas. Puis tu les endettes. C'est-tu toi qui t'endettes? Ou c'est du monde qui te bouscule le cerveau à t'endetter? Ouais. Essaye de prendre un billet d'avion, tu là, sans avoir de carte de crédit, puis tu vaux 250 000 dans ton compte. Hi, tu vois, c'est pas facile. Même riche, tu es obligé d'avoir une carte de crédit. Exactement. C'est ridicule de se promener avec 10 000 $ dans ses poches, mais une carte de crédit de 10 000 $ dans nos poches, on n'a pas peur de ça. Moi, j'ai des cartes de crédit à 15 000. Quand j'ai tout payé, ce carte-là, j'ai 15 000 dans mes poches. Et tu ne mettras jamais 15 000 $ de papier dans tes poches. Je te l'ai dit, la liberté, c'est connecté aux ressources. Tu as 15 000 dans tes poches, tu peux payer un dépôt sur une auto. Je l'ai vu faire, moi, là, d'un client, à un moment donné, il a donné 20 000 $ sa carte de crédit, puis il y avait un dépôt de la moitié sur son auto. C'était juste un dépôt de 20 000. Il achetait une auto de 40 000, il voulait la payer pas avoir des gros paiements. Mm-hmm. Ils sont... Je suis sûr que le gars avait les moyens de payer l'autocash. Mais il était tellement habitué au crédit qu'il a mis ça 20 000 sur la carte de crédit. Il ne devait pas payer du 24 %, ça c'est sûr. Mais en tout cas. Ou bien son nom, c'était peut-être le concessionnaire qui avait fait une offre style 0 % d'intérêt pour les trois prochaines années. Ah, oh, écoute, c'est une limite. Quand tu connais la patente, moi, écoute, mon père travaillait dans l'automobile tellement avant. Tu vas tout payer le prix qui te demande. Parce qu'ils ont des cosses, eux autres, puis s'ils vendent l'auto à perte, ils vont fermer leurs portes en dedans de 6 mois. Ça veut dire que c'est une d'avoir un auto dans la cour qui dure là pendant un mois, deux mois. Il y a toujours un calcul qui avantage le concessionnaire. Tu imagines que le 0 % là, il te le donne. Tu vas le payer d'une autre façon. N'oublie jamais qu'une structure économique, la liberté des membres, c'est tout le temps en fonction des ressources. Je vais vous l'imprimer dans le coco parce que c'est une réalité incontournable. Que tu sois conscient, extraterrestre, n'importe quoi. Même les extraterrestres, ils descendent ici parce qu'ils viennent chercher des ressources. C'est sûr et certain. Ils ne viennent pas ici pour la faire. Ils vont faire tirer la glaine. Okay. Ben lui, probablement que lui, il attend parce que... Bon, non, j'embarque pas là-dedans, là, mais... Non, bon, non, ça risque d'être trop, là. Ouais, c'est ça. Erreur. Ouais, c'est ça. C'est un bonjour pour en parler de temps en temps. Là, c'est... Non, c'est... Je m'a donné ma version. Puis je vais même inventer le fait que j'en ai rencontré. J'étais assez plein quand je les ai rencontrés. Puis tout à l'heure. Si on veut écrire la galerie comme fou, il faut lui faire un bon spectacle. Ouais, ben, on pourra revenir au sujet, tu sais, du fait que dans la vie, comme tu le mentionnes, on n'aurait pas le choix. Ben, à ce moment-là, par exemple, la conjointe que j'ai, l'endroit où je suis né aussi, ça, c'est déterminé avant la naissance? Oui, parce que si c'est dur où est-ce que tu es né, tu vas être plus fort à vivre. Moi, je reviens tout le temps au fait que la principale loi que j'ai compris de la vie, là, en dehors de « c'est pas nous autres qui pensent », puis etc., là, la principale vie, c'est que les forces de contraction sont aussi puissantes que les forces d'expansion. Pour les gens spirituels, j'appelle ça l'intelligence du mal, et t'es capable d'accoter l'intelligence du bien. Mais si je reste à mon langage à moi, c'est des forces de contraction, ce qui équivaut en astrologie à Saturne, et qui est confronté avec l'effet de Jupiter, qui est une planète d'expansion. Ces deux planètes-là se challengent la vie, toute notre vie. Là, c'est l'ultime contraction étant la mort. Puis la mort, si vous êtes astrologue un petit peu, regardez-les quand ça passe avec une quadrature ou une conjonction avec Pluton, pour vous savoir à peu près les périodes où vous risquez de mourir. Il y a à peu près 7 à 8 portes, que moi j'appelle ça des portes, là, où tu peux mourir. Que si tu ne meurs pas physiquement, mais là, tu peux avoir un divorce, tu peux avoir une faillite ou des affaires comme ça. OK. Puis l'effet de Saturne, en général, quand il est en aspect négatif avec Pluton, ben là, ça vous sonne les cloches pas mal. Et puis là, actuellement, au niveau astrologique, c'est quoi les influences là, qui sont présentes là, en ce mois de janvier 2012? Ben, peut-être pas en janvier spécifiquement, là, mais présentement, on a un cocktail de planètes que je suis sûr que l'esprit intervient souvent. Là. On a un cocktail de planètes là, qui est vraiment très, très explosif. On a Uranus en bélier, qui est en carré avec Pluton. Un carré est un aspect négatif. Négatif dans le sens qui engendre une contraction. Donc, on a Uranus en quadrature avec le Capricorne, Pluton en Capricorne. On a Saturne qui est en balance, qui est opposé au bélier, qui est aussi un élément de contraction violent. Et on a Saturne qui est en carré, parce qu'il est en opposition avec Uranus, qui est déjà en carré avec Pluton, donc qui est conséquemment Saturne aussi en carré avec Pluton. C'est des planètes lentes, donc c'est des effets à long terme, donc c'est des mises en place, je dirais, pratiquement mortelles, pour un ensemble de la population. Il y a des éléments déclencheurs comme Mercure et Mars, et même le Soleil dans certains cas qui peuvent activer ça pour savoir la date exacte où ça devient chaud. Quand tu regardes le parallèle Pluton, Plutonium, donc bombe atomique, on a l'Iran qui nous passe au bout du nez. On a John Hill, là, tu sais, qui, si le père vient de mourir, ça met les pouvoirs entre les mains du jeune. Mm-hmm. Quand tu es jeune, tu n'es pas mature. Donc, si tu n'es pas mature, tu peux être fendant. Tu peux être tout ce que tu peux imaginer qu'un jeune peut faire quand il a le pouvoir aimé. Donc, les autres aussi ont de l'atomique. Fait qu'on a l'Iran qui peut nous faire des clowneries, puis l'autre... Oh oui, avec la Corée du Nord, hein, c'est ça. C'est ça. On a deux clowns qui peuvent faire bien du dégât, avec Pluton, ça c'est un exemple. Uranus, c'est tous les effets d'endettement qu'on a en Europe, et qui est tenu par l'Allemagne, qui est un pays bélier. Fait que l'Allemagne décide le jour au lendemain de couper les vivres à l'euro. Puis là, tu vas voir des pays débarquer de l'euro. Ils en parlent pour la Grèce, entre autres. Mais la plupart des gens qui veulent être optimistes disent non, non, non, la Grèce ne débarquera pas de l'euro. Mais s'il faudrait que la Grèce et l'Italie fassent un conflit quelconque au niveau juste des structures bancaires, on aurait le parfait exemple d'Uranus en bélier en quadrature avec Pluton en Capricorne qui nous ferait péter l'euro. Et là, vous aurez une crise économique épouvantable parce que les États-Unis ne seront pas capables de repayer deux fois le système bancaire. Là. C'est impossible. Là. Ils ne peuvent pas tenir le... Ils peuvent plus créer de l'argent. Ils sont obligés de retirer les troupes de l'Irak, de l'Afghanistan. Pourquoi? Parce que c'est économique. C'est toujours le fait des ressources. Hein? On a le choix de nos ressources. S'il y avait plus de ressources, ils garderaient ça là-bas. Là. Mais non, ils peuvent plus. Ils n'ont plus les moyens. C'est un non-sens qu'on voit l'argent refuge comme étant le US. Et présentement, quand les gens sont insécures, ils achètent du US. Fait que c'est ce qui tient les États-Unis. Mais si les gens, à un moment donné, ils voient que, bon, c'est un refuge, c'est vrai, mais ça va trop mal pour être un refuge, ils vont être obligés d'acheter de l'or. Mm-hmm. Fait que tu comprends bien que ça va faire flamber l'or en haut de 2000 US l'once. Fait que c'est hallucinant. Là. Puis on n'a plus d'or pour fournir tous les gens qui sont insécures sur la planète. Fait que c'est une autre crise, ça. Fait que là, on est rendu avec le Saturne en balance. Saturne en balance étant les contrats. Fait que les gens sont pris avec des contrats. Un contrat, il est aussi faisable que tu as des ressources. Ça vient toujours aux ressources. On est réellement là, dans une zone 2012. Là. C'est pour ça que les Mayas disaient que ça finissait le calendrier en 2012. On est sur un gros test. Cette année, je t'avoue, là, astrologiquement, ça en est un gros. Ça en était un en 2009, mais là, ça en est plus fort encore. Si on passe à travers ça, là, je te dis, il y a quelque chose qui se passe sur les plans qui nous protège, parce que avec le comment ça pense l'humain, là, l'appétit du gay, la peur, non, il n'y a pas de chance de s'en sortir. Mais si on passe à travers ça, c'est sûr qu'il y a eu une intervention quelque part. Ben, au niveau nucléaire, si je ne me trompe pas, Bernard de Montréal avait déjà dit qu'il y aurait des interventions dans le cas d'une risque d'une guerre atomique là, majeure là, sur la Terre, là, c'est-à-dire qu'il y aurait une intervention de forces extérieures, là, d'extraterrestres là, qui empêcherait là, qu'il y ait une guerre thermonucléaire. Là. Ouais, mais ça va empêcher la crise économique dans laquelle on est. Oui, c'est vrai. Puis ça n'empêche pas une pandémie, je pense pas. Mais là. OK, mais je parlais plus par rapport à la Corée du Nord ou l'Iran s'ils voudraient déclencher une guerre nucléaire. Oui, je comprends ça. C'est la même chose que quand on a eu la crise du verglas dans la région de Montréal. Payet l'avait dit, celui qui gérait l'Hydro-Québec à l'époque, il dit 15 minutes de plus, là, puis il dit tout était à terre. Puis ils ont perdu le contrôle. 15 minutes de pluie. Puis la pluie s'est arrêtée juste à temps. Fait que, tu sais, qu'est-ce qui peut contrôler la température pour 10 minutes? Bonne question, hein? On ne saura jamais. Même la police n'a pas ça dans ses computers. Mais sinon... Peut-être que le bouleversement le plus grand qu'on va connaître d'ici à 2026, qui est tout le passage du Capricorne, Pluton Capricorne, là, qui pour moi, c'est l'apocalypse, là, si je le regarde d'un point de vue strictement astrologique. Peut-être que ça va être l'apparition ou la présentation ou la révélation pour d'autres de forces extérieures à l'être humain qui gère l'ensemble de la planète. Peut-être. Moi, je pense que c'est ça, là. Mais je dis peut-être parce que le monde aime bien ça douter, puis à mettre en question, etc., etc. Donc, le premier contact avec les extraterrestres, là... Pas nécessairement ce qu'on pense comme extraterrestres. Peut-être que le premier contact, ça va être le premier contact avec soi-même, mais pas le soi-même qu'on connaît. Peut-être. Ah! C'est intéressant, là. T'es dans la première rangée, là, t'es content, là. Mm-hmm. Peut-être. Peut-être qu'il va se passer quelque chose ou qu'il va vraiment faire la preuve que la pensée humaine s'est manipulée de l'extérieur. Que c'est plus fort que toutes les maisons de marketing sur la planète. Peut-être. Par rapport aux inventions, aux nouvelles technologies, y a-tu des choses que tu pressens qui vont se développer là, dans les prochaines années à ce niveau-là? Toute invention vient des forces. Et puis les forces vont permettre des inventions qui vont aller avec la psychologie des peuples qui vont l'utiliser. Fait que si présentement on n'a pas accès à certaines inventions, mais qu'on peut les intuiter, s'ils ne se réalisent pas dans la forme, je pense exemple à l'automobile, s'ils ne se réalisent pas dans la forme, c'est parce que là, les gens n'ont pas la mentalité qui va pour s'exposer à la forme. Mais vous, auto électrique, mais il faut que tu aies encore là les ressources pour installer ça. Tu as des bornes électriques, il faut que tu prouves qu'avec un auto électrique, tu peux accéder au même type de performance qu'on a avec le gaz, l'essence. C'est pas acquis. Fait que ceux qui ont la science à la planète pour le faire, mais les consommateurs sont pas prêts à passer à ça. Oui, mais en même temps, à mesure que le coût de l'essence augmente dans le temps, il y y a une tension qui se crée. Jusqu'où c'est intolérable? Moi, à deux piastres du litre, je change d'auto. Mais tant que je n'ai pas de tapis de 2 piastres du litre, celui que j'ai, là, qui fait à peu près une moyenne de 10,2 litres au 100, ça me suffit. Avec le niveau de confort, de performance que j'ai. J'ai un moteur de 250 chevaux là-dedans. Puis, ça va bien. Ça tire. Je me rembourser d'un 4 qui ne tire pas comme ça, je me sentirais handicapé. Là. C'est moi, il faut que je fasse 7 secondes sur 100 kilos. Là. Puis, je veux ça. Mais s'il ne me donne pas un auto électrique qui fait ça, je m'entends rester avec l'essence. C'est que moi, je n'ai pas la mentalité de m'en aller sur l'électrique. Ou peu importe, là, le diesel ou quoi que ce soit. Quand on me dit un diesel peut dropper ça à 5 secondes au 100, ah, là, ça m'intéresse. Ouais, les CO dit qu'il le fait. Ah, ça, j'ai pas les moyens. Donc, j'ai pas les ressources. Ça vient tout le temps à les ressources. Fait que t'as pas de ressources pour te payer un auto à gaz. Là, tu vas descendre au diesel, ce qui est plus intelligent après. Puis, peut-être, t'allais te chercher un hybride. Mais là, l'hybride, ça vaut pas la peine parce qu'il te demande un surplus. Le diesel te demande un surplus. Fait qu'avant que tu aies payé ton surplus qu'on te demande sur l'achat de l'âme, ça va te coûter 3 ans avant de récupérer ça. Fait que, tu sais, encore là, c'est quand tu calcules, t'es mieux de rester avec l'essence. Fait que l'essence n'est pas encore assez chère pour pouvoir créer des équilibres. Nous autres, 2 piastres du litre, en Europe, ça fait longtemps qu'ils ont ça. Là. Fait que, tu sais, il y a des zones de tolérance là, qui sont... Tu sais, on fait la grimace quand il monte ça de 10 cents, là, mais tu sais, tant qu'il est capable de le payer, tu vas le payer. Oui, c'est ça, ça va que... Je comprends dans le sens, ça va que l'élasticité de la demande. La demande, puis de l'intelligence des gens aussi, tu sais. Faut-tu le vivre, l'affaire d'être avec l'électrique au Québec? Moins 25, ça réagit comment, un hybride, là, tu sais? Puis moins 30, puis moins 40, on a déjà connu ça. T'as pas le goût de rester chez vous parce que t'as une batterie qui veut pas partir, là. Si je me promène avec un power pack, moi, là, pour au cas où que j'ai à booster mon auto, ben, tu sais, je l'ai un, là, mais un power pack pour partir d'une batterie d'hybride ou je sais pas trop quoi, il y a une certaine, tu sais, j'ai-tu le goût de m'informer pour savoir comment, puis c'est ci, puis c'est ça. Tu sais, c'est une adaptation, ça prend des années, ça, emmener le monde à rentrer ça dans le mécanisme naturel. Si je vais au salon de photo puis je regarde une Bugatti Veyron à 1,5 million, 2 millions, ils vont regarder, mais tu sais très bien que tu ne pourras même pas aller t'asseoir dedans. Il faudrait peut-être que je donne 400$ dans un gars qui en parle, qui va en avoir 3 dans l'année. Puis je dis, à 400$, tu me laisses-tu m'asseoir dans le char? Peut-être qu'il va m'ouvrir les portes. Tu n'as jamais été voir des Rolls Royce. Hein? Moi, dans le temps, j'avais le goût d'aller voir un Rolls Royce m'asseoir dedans. Ça m'a coûté 25$ au gars pour qu'il juste me débarre la porte et que je m'assoie dedans. Hein? OK? Puis il fallait y aller en habit, s'il vous plaît. Tu n'allais pas là avec une paire de jeans. OK? Puis quand il a vu que tu t'assoyais en avant, il dit, vous n'êtes pas le propriétaire de l'auto, vous, hein? Vous êtes le chauffeur. Parce que tu t'assis pas dans un Rolls Royce en avant. Tu vas t'asseoir en arrière. Si tu achètes. Tu sais, je me suis trahi, là. Pourtant, elle avait fait ça comme il faut. Je disais, j'étais représentant d'une compagnie. Il a dit, oups, là, lui, c'est pas lui qui va acheter le lot. Il me dit, pouvez-vous sortir, monsieur? Tu sais, pas les ressources, t'as pas les ressources. Tu n'as pas les ressources, des fois, tu sais pas que c'est le protocole. Le protocole, c'était d'aller s'asseoir là derrière. Donald, s'il écoute l'émission, il va dire, ben oui, mais non, qu'est-ce que tu penses? Ben, tu sais, lui, il est plus dans l'esprit des affaires internationales. C'est ça. Moi, qu'est-ce que tu veux, je joue au Québec. Je vais mourir au Québec, puis je reste au Québec. Okay. Oui, exactement. Fait que c'est sûr que le taux électrique, c'est pas pour demain matin, là. Non, je souhaite aussi. Malgré qu'il y a un Optima, là, la Kia Optima, là, je trouve que c'est un beau modèle, puis j'hésiterais entre une SX, qui a un moteur turbo, puis un hybride. Oui, ben sinon, il y a quelques années, il y avait eu le Tozen qui était produite dans une usine de Québec. Puis ça a été fermé parce que le Tozen, entre autres, ils ne pouvaient pas la commercialiser ici à cause justement de la température. C'est un auto électrique, là, une petite auto électrique, maximum 60 km/h, elle pouvait rouler. Donc, c'est pas à Québec, c'est à Saint-Jérôme, c'est à côté de chez nous. Oui, c'est ça. Ben, je disais au Québec dans le sens de la province, là. Moi, je pensais que c'était dans la ville de Québec. Non, pas dans la ville de Québec. J'étais à 400 000 là. la place. C'était pas une auto. C'était une auto qui se promenait dans des places d'industrie, là, parce que ça n'avait pas une grosse autonomie. Je sais pas plus que c'était comme la Leaf, là, la Leaf de Nissan, là, ou la HiMev de Mitsubishi. Les autos full électriques, mais ça n'a pas de portée. Là, tu ne peux pas aller loin avec ça. C'est des gros cars de golf. Un petit peu plus fait pour la route. Là. Moi, j'ai essayé de me détacher du messager qui est Bernard, puis pour me concentrer sur la suite de l'instruction. En voulant dire, je rends ça plus pratique parce que c'est dans ma nature, comme je t'ai expliqué, je suis très, très concret là, dans mon approche. Je me sers de la conscience que j'ai écoutée comme tout le monde qui était dans la salle. J'essaie de rendre ça sur le plancher des vaches. Comment on traite avec la réparation, je suis capable d'aider les gens à le reconnaître aussi, avoir la différence entre ce qui est astral, ce qui est l'esprit, ces choses-là. Fait que je me dis, si les gens ont une bonne lecture, ben, éventuellement, ils vont prendre des décisions qui vont avec le sens de la lecture, comme moi je le vis. Là. Je vis la capacité de faire la différence entre un mouvement qui a un caractère astral, un autre qu'un mouvement qui est à caractère plus vibratoire de l'esprit. Là. Fait que j'essaie de faire vivre ça aux gens le plus possible. Tandis que lui, il défendait des principes. Il ne se passait pas le pompon à savoir ce que les gens vont faire avec. Là. Il faisait simplement descendre. Il ouvrait le robinet, puis il laissait couler l'eau. Puis tant mieux si vous êtes capable de mettre un bol en dessous pour en récupérer. Donc, on a deux approches différentes dans un sens. Et puis, ceux qui veulent avoir un rapport plus direct avec les mouvements de principe de Bernard, puis son type de voix, son type de vocabulaire, bien là, son rêve, absolument avoir les cassettes, c'est pas le choix. Et là, mais dans les cassettes, ouais. Tous les CD qu'il a produit, vous allez avoir l'essence même de tout ce que le personnage a défendu sa planète. Ça ne vous sert à rien de donner de l'importance. J'écoute ça, là, tout le monde essaye de dire, moi j'étais proche de Bernard, mais oui, c'est pas parce que tu étais proche que tu étais conscient, le bonhomme. Faites attention à ça, parce que moi j'étais proche de Bernard, puis j'avais déjà une approche très occulte au moment où je l'ai rencontré, et puis ça faisait la différence, parce que c'était moi qui posais des questions dans la salle, mais j'étais quand même juste le gars qui posait des questions dans la salle. T'sais, j'ai eu à écouter comme tout le monde. Je ne pense pas que les gens aient eu un avantage à être proche de Bernard. Ouais, dans le sens que c'est pas parce que tu es proche de quelqu'un qui est conscient que ça te rend automatiquement conscient, c'est pas une garantie. Et voilà, c'est ça. C'est pas un virus, cette affaire-là. Là. Fait que... La conscience, c'est pas viral. Là. C'est pas quelque chose que t'attrapes. T'attrapes pas la conscience comme t'attrapes un rhume. Mais en même temps, de ce que je comprenais de l'instruction de Bernard, c'est que c'est quelque chose que tu captes, là, dans le sens que l'énergie qui descend là, du supramental dans l'humain. Écoute, l'énergie en descend à tonnes qui vient de l'esprit. Pour tout le monde, sur les millions de gens sur la planète, là, c'est juste la capacité de le capter. C'est ça que je veux mettre en relief. Les forces ne sont pas disparues avec Bernard. Ils ont toujours été là. Lui est arrivé dans le tas. Il y avait une chaudière pour amorcer ça. Puis nous autres, on est avec des dés à coude ou des verres au mur. Là, fait qu'il y en a ramassé plus. C'est l'autre, très vital. Il fait dans un cas unique. Là, c'est pas un cas unique. Il y a des milliards de gens qui vont prendre... qu'est-ce qui coule des forces, là, tu sais, qui découle des forces. Donc, la vibration, tant que tu es capable d'en prendre, ils vont t'en donner, inquiète pas. Là. C'est juste que les règles, pour pouvoir en capter beaucoup, je les connais. Puis lui, ben, il subissait. Mais je les connais plus que Bernard lui-même, parce que j'ai passé une partie de ma vie à regarder qu'est-ce qu'il vivait, alors que lui, il n'avait pas à regarder la vie des autres. Il avait à être ce qu'il était. Et le gars qui a observé les mécanismes, de comment sa vibration ou comment il était mis en vibration, probablement je suis seul à l'avoir vraiment étudié à ce niveau-là. C'est sûr que, comme tu le mentionnais, c'est important de voir que le focus est plus mis sur comment vivre ça dans le pratique, là, ces principes-là. T'sais. C'est ça, exactement. Oui, ben, je pense que c'est important que tout ça se raffine dans le temps pour que les gens puissent l'intégrer dans le concret, parce que des fois, c'était aride d'écouter Bernard au niveau des enregistrements auxquels là, que j'ai pu accéder, dans le sens qu'il parlait rapidement, puis il y a beaucoup d'informations avec un vocabulaire très technique. Donc, moi, je reste quand même profondément convaincu que Bernard ne parlait pas pour être compris. il parlait pour que les gens puissent comprendre que c'est vibratoire, puis être un exemple de qu'est-ce qu'un être humain peut devenir quand il est plugué avec les forces. Ça, c'est... Moi, j'écoute pas les cassettes de Bernard. J'ai même pas lu son livre, Sa Genèse du réel, puis j'ai, dans mon ordinateur, le dernier livre qu'il a écrit qui a jamais été publié, puis je l'ai jamais lu non plus. Parce que, pour moi, Bernard, ce qu'il voulait, c'est d'être un exemple de ce que tu peux devenir quand tu es plugué. Et tout le monde peut être plugué avec les forces. C'est ce que j'ai compris de sa vie. Fait que si vous cherchez à vous endoctriner, vous êtes dans le champ, il ne voulait pas qu'il y ait de religion, puis je vous jure que les forces ne permettront pas que vous en fassiez une religion. Ça, c'est certain. Fait que, pensez pas apprendre avec des cassettes. Pensez avoir un exemple de ce que vous pourriez faire si vous n'essayiez pas dans l'intellect. Ça, j'arrêterai jamais de livrer ce message-là. Parce qu'il m'a tellement dit qu'il ne voulait pas avoir de religion, surtout quand il était malade. Il dit, Dan, qu'est-ce que tu ferais si quelqu'un voulait partir d'une religion avec tous les principes que j'ai descendus? J'ai dit, inquiète pas, les forces ne le feront pas faire ça. Ça avait l'air de soulager quand je parlais de même. Oui, bien, autrement dit, il faut focusser plus sur la manière qui procédait plutôt que la matière, le contenu. Le contenu de ça, vous l'avez tout en dedans de vous autres, même si vous n'aviez jamais accès aux cassettes. Il y a des gens qui ont écouté bien de la cassette que moi, j'ai... Et puis, définitivement, je défie n'importe qui écoute et qui va m'écouter dans le futur de venir me défier sur comment lire une vibration. Anytime. Vous ne m'aurez jamais avec la connaissance. Jamais, jamais. J'ai la réponse à tout sans avoir écouté les quantités industrielles de cassettes. S'il y en a 500 cassettes, j'en ai probablement écouté qu'une vingtaine, pas plus que ça. Et prends n'importe qui a tout écouté ces 500 cassettes 45 fois et qui vient me voir pour le fun pour voir s'il est capable de m'accoter. Puis il ne sera jamais capable de m'accoter de la connaissance, c'est certain. Fait que prenez pas ce matériel-là pour vous endoctriner. C'est pas un endoctrinement, le message de Bernard de Montréal. Ça, c'est certain, certain, certain. Même si ça serait réécrit par sa fille, sa femme ou des amis, n'importe quoi, le message est toujours le même. Fiez-vous à votre vibration, à vous intérieurement. Point à la ligne. C'est ça de la conscience. La conscience, c'est pas un nouveau code universitaire pour apprendre et être... comment je dirais ça, tagué avec un diplôme. Non, non, non. Il n'en voulait pas de ça. Il avait un peu phobique de voir des affaires de l'organisation du temple solaire ou des affaires à la REL ou à cool qu'il y a eu des suicides collectifs. C'était sa phobie, ce survivant, de se ramasser avec une gang de croyants. Il voulait pas ça. Donc, si vous vous endoctrinez, vous allez tomber dans la croyance, vous allez être des petits répéteurs, des routeurs de... la conscience par rapport à un individu. Il y en a des fois qui me disent, j'ai rêvé à Bernard pour me dire quoi faire. Hey, wow, arrête de délirer. Là. C'est pas lui qui va décider de ta vie, c'est toi qui vas décider de ta vie. Bernard ne voulait pas qu'il y ait de religion. Il n'en voulait pas du tout. Des astuces patentes là, où le monde se regroupe pour aller faire des prières. Hey, wow, mais prier quoi, là? Il n'en voulait pas de ça. Il l'a assez répété. Oui, ben, je pense que c'est intéressant ce que tu dis en concluant. C'est-à-dire que c'est que ça appartient à l'individu de lire par lui-même la vibration, là, tu sais. C'est ça. Bon, il y a une façon d'ouvrir son bol pour en savoir un peu plus, là. Mais tout le monde a une limite dans son bol aussi, t'sais. Parce qu'il faut qu'il vive avec les autres, hein. Faut pas t'oublier ça, là. Ton bol va être aussi large que tu es capable d'être anonyme. Si tu n'es pas capable d'être anonyme dans une société, puis tu commences à vouloir bouleverser ton environnement social en te donnant la mission de propager la parole, là. Là, tu vas passer. N'oublie pas que les premiers apôtres, ils ont passé par les concours romains, là, tu sais, les lions. Oui, c'est ça, les jeux du cirque romain. Oui, oui, c'est ça. Moi, ça ne me tente pas en tout temps. Oui, c'est ça. Moi, là, en plus, ça me tente pas. Non, je ne peux rien. Donc, c'est ça. Non, mais c'est pour ça, en bout de piste. Dans le fond, ce que je réalise, c'est que je fais ma petite affaire tranquille avec mes émissions, puis ça ne sera jamais at large. Parce que ça me tente pas de faire le cirque médiatique, là, tu sais. C'est ça. Passe pas à Paul Arcand le matin. Ou passe pas à Gilles, ça va être encore pire. Ou tout le monde en parle. écoute, ça marchait avec Glenn un bout, là, mais c'est fini, c'est pas plus. Le monde se sont royalement déspiritualisés depuis ça. Ouais, puis les gens aussi sont plus désabusés aujourd'hui, tu sais. Des fois, on se demande si le monde n'a pas jeté le bébé avec l'eau du bain, dans le sens qu'ils ont tous rejeté ce qui a trait à l'invisible pour être plus matérialiste. C'est correct. Moi, je trouve ça correct. Parce que, de toute façon, c'est à l'invisible à faire ses preuves. On n'a pas à dire « je suis déçu de ne pas avoir vu d'extraterrestre ». John Machen, qui est arrivé il y a 2 semaines, il conduit des trains. Puis, tu sais, il voit bien du paysage, hein, parce que quand tu conduis un train, tu te promènes sur les grandes surfaces. Puis, il m'a dit qu'il a vu 2 fois des soucoupes volantes. Puis, il m'a dit « c'est pas le gars à croire quoi que ce soit, là. » Si tu verrais le gars, tu dirais « lui, il est concret ». Puis quand il nous parlait de ça, là, c'est comme s'il se libérait d'un fardeau du secret parce qu'il ne pouvait pas en parler, même avec le gars qui l'accompagnait. Ils sont 2 dans un train, puis l'autre gars, il a vu la même chose que lui. Mais il a dit à Alain, il dit, moi, il dit, je ne veux pas en parler. Fait qu'il dit, j'y crois pas. Mais il dit, je l'ai vu, mais j'y crois pas. Puis il dit, j'en parlerai jamais. Puis il dit, je serai à ta place, j'en parlerai jamais. Fait que les deux ont fait un pacte comme quoi ils n'en parleraient pas. Puis pour pas passer pour des uberlus. Mais là, quand Alain Rice, il est venu sur notre site, c'est pas notre site, excusez, sur nos formations. Mais je dis non parce qu'on est une quinzaine qui s'est réunis. Puis là, il en a parlé. Il y avait là un gars qui n'avait pas été aux toilettes pendant une semaine, puis qui se lâchait lousse. Puis ça lui faisait du bien de pouvoir en parler. Mais même le monde, qui on est habitué à ce type de langage-là, tu sais, qui apparaît quand même assez flyé, là, tout le monde n'y croyait pas non plus. Puis il dit, j'espère que vous autres, vous me croyez. Écoute, Alain, je dis, moi, je te crois parce que je te connais. Tu es un gars qui fait du karaté, t'es ceinture noire, troisième dame, t'es pas une épée, là, on le sait, puis t'es concret comme on peut imaginer. J'ai dit, c'est surprenant que tu aies les yeux orbités comme ça, là, puis que tu fasses. On pourrait penser que tu étais une ligne de coke avant de venir au groupe de formation, tu sais, mais non, je sais que c'est pas ton genre. Parce qu'il dit, ça m'émeut énormément, mais je ne l'ai pas vu. J'ai dit, moi, dans mon cas, le jour où je vais me faire enlever et qu'on va avoir des discussions télépathiques, j'ai dit, ça va peut-être me confirmer ce que tu me parles, mais là, pour l'instant, c'est ton expérience, point final. Puis là, il était relax, parce que c'est comme, bon, j'ai pas à partir dans le foisard avec ça. Mais 2 fois quand même dans le même mot, c'était drôle. Mais il était drôle aussi de voir la binette, parce que j'avais jamais vu Alain qui est sérieux comme tu peux pas imaginer. C'est un ceinture noire, troisième dame. Imagine-toi le niveau de concentration que ces gars-là ont dans la vie courante, puis il faut qu'ils conduisent des trains en plus. C'était drôle. Ouais, mais il a dû être déstabilisé, là, comme tu le mentionnes. Là, ouais. Il dit que la soucoupe, c'était gros comme un terrain de football. Puis c'était toutes des grosses lumières qui tournaient autour d'eux autres. Puis ça se déplaçait à une vitesse épouvantable. Mais tu sais, un terrain de football qui se déplace dans les airs, là, au-dessus de ton train, là, on s'entend que ça doit donner un choc. Exactement. Fait que... Mais je crois à rien pareil. Tu sais, je ne sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Je ne l'ai pas vécu, ça ne fait pas partie de ma vie, fait que j'en fais pas promotion. J'en parle comme ça parce que ça m'a réellement amusé, mais j'y crois pas. Ça veut pas dire que ça n'existe pas. C'est pas parce que moi, j'y crois pas que ça n'existe pas. Mm-hmm. Parce que les gens disent tout le temps, ouais, mais quand on ne croit pas, on nie. Mais je nie pas, là. J'y crois pas dans le sens que ça ne fait pas partie de mon expérience de vie. Fait que les gens, s'ils veulent être intelligents, ils ont juste à suivre ce que Bernard parlait, c'est pas nous autres qui pensent, les pensées viennent d'ailleurs, etc., etc. Et puis, pas croire. Pas croire, ça veut dire que quand tu suis plein matériel, si ça ne fait pas partie de ton expérience, ça peut exister, mais ça ne veut pas dire que tu l'as vécu. Moi, ils me disent que le champion du monde, il mange 23 docks de filet dans un temps restreint. Écoute, moi, à 3 docks, je suis plein. Le gars, il en mange 23. C'est un japonais ou un asiatique qui gagne ça. Je crois pas. Il a la boule filmée, je crois pas pareil. Ça a pas d'allure. 23 hot dogs. OK, ils sont pas relevés chez moi, ils sont là. Mais quand même, je crois pas. Mais ça veut pas dire que ça n'existe pas. C'est juste ça que je veux mettre en relief. Ouais, exactement. Vous pouvez nier les choses, mais ça veut pas dire que ça n'existe pas. Non, c'est ça. C'est pas parce que tu le vois pas que ça n'existe pas. C'est comme les autres dimensions qui composeraient le cosmos, autre que la dimension matérielle. T'sais. Oui, je suis d'accord avec toi là-dessus. Ouais. Chacun son expérience. Exactement, mais au niveau de la vibration, tu sais, comme le cas de la personne qui dit avoir vu des soucoupes volantes ou l'autre personne qui dit avoir mangé des hot dogs, est-ce que toi, tu peux lire dans la vibration que la personne dégage, si elle te bullshit ou elle te bullshit pas? Oui. Oui, mais ça ne fait pas partie de mon expérience personnelle. Ça, je te dis, suivre une vibration, c'est pour ton développement à toi. Mais ça ne veut pas dire que suivre une vibration, c'est faire ou exécuter la vie comme un autre. Parce que là, c'est de l'endoctrinement, là, à ce moment-là. Tu essaies d'être comme l'autre. Puis c'est peut-être pas ta vie d'être comme l'autre. Ça ne te rend pas moins intelligent parce que tu n'es pas comme quelqu'un. Exactement. J'ai un ami qui, tu sais, s'est acheté une carabine, là, ça lui a coûté 3 500$. Elle a acheté ça devant moi, un télescope carabine. Puis, elle est bonne. Elle est bonne, moyenne. J'ai une amie qui est venue, qui n'a pas de carabine, elle n'a jamais tiré de sa vie. Puis, elle est meilleure que l'autre, avec un calibre plus gros quand même, mais c'est pas un avantage nécessairement, parce qu'elle a plus de recul. Puis, elle bat tout le monde. Elle bat tout le monde. Il n'y a pas personne qui ne s'est pas fait battre par elle. Puis, elle n'a jamais tiré de sa vie. Elle a tiré 3 fois, puis après ça, j'ai embarqué sur une compétition, un peu par surprise. 5 semaines, une feuille de compétition, vous avez embarqué 12 balles à tirer. Elle a planté tout le monde. Fait que tu vas dire, ça se peut pas. Ben oui, ça se peut. J'ai eu la carte chez nous. J'ai son record chez nous. Elle n'a jamais tiré. Elle a tiré dans notre vie, tu suis, on s'en fout. C'est meilleur. Point final. Fait que c'est des cas. Il y a des cas qui apparaissent comme ça. Là, puis elle dit jamais ça. Elle a dû m'acheter une carabine à un moment donné. C'est évident, t'as le talent. C'est hallucinant comment t'as le talent. Là. Ouais, après, ben 25 cents. Ouais. Ben, y a des cas, hein, tu sais, comme la jeune chinoise, je pense qu'elle avait 4 ou 5 ans, puis elle jouait du piano comme une professionnelle, ou ben il y avait une autre fille qui chantait l'opéra, puis elle était très jeune, là, à American Got Talent, là. Ah ouais, j'en ai vu beaucoup de ça, c'est des cas extrêmes, là, c'est ça, ça existe. Mais quand c'est pas dans ta vie, là, tu sais, c'est comme, t'as pas à croire, mais moi, quand je suis là, je la vois tirer la fille, elle tremble en plus, elle a comme le Parkinson. Elle tirait du pistolet, là, puis elle shakeait, là, puis elle était full target, pareil. C'est hallucinant de voir quelqu'un travailler avec une carabine, puis c'est les bullseyes qui le fait, tu dis, fuck, la balle, ça est parti, j'ai entendu, puis quand ça se ramenait à la cible, elle est dans le centre, là, tu sais. Le centre, c'est 11 points. Elle en a 2, 3 par feuille, des 11. Puis t'as vu, elle shake avec la carabine, ça n'a pas de saint bon sens, là. Mais c'est ça, ça existe, tu sais. C'est pas une histoire de croire, c'est une histoire de le vivre. Moi, je pense que les gens seraient délivrés de l'affaire de pas croire s'ils comprenaient que dans leur vie, ils peuvent être aussi réels qu'ils le vivent et non pas qu'ils le pensent. Moi, je me bats contre la pensée dans un sens parce que je dis aux gens, vivez donc ce qu'on vous parle pour que vous ayez une capacité de vérifier si c'est astral ou si c'est de l'esprit. Je dis, ouais, mais on se met à risque. Ouais, mais t'es à risque, anyway, parce que si t'es pas conscient, tu seras pas conscient à 360 degrés. Pour être conscient, il faut que tu vives des choses, il faut que tu les vives. Oui, mais il y a des risques. Ben oui, c'est ça, la vie, c'est un risque. C'est un risque jusqu'à ta mort. Quand tu vas être mort, tu prendras plus de risques. Tu vas t'en laisser un autre temps. Puis peut-être que ces autres temps, il y a d'autres genres de risques. Mais il y a une chose qui est certaine, c'est que pour te faire l'œil, pour savoir ce que tu es, il faut que tu explores des choses. Et c'est ça qui est la clé là-dedans. On parle d'avoir des ressources pour faire des choix. Moi, je dis qu'on n'a pas de choix parce que si on ne développe pas nos ressources, on limite nos décisions. Mais pour avoir des capacités d'emmener un être à prendre des décisions, il faut qu'il explore. Tu prends 20 plus dans l'exploration une mesure de toi-même, de se connaître, de se vibrer pour avoir une mesure de ce qu'on est capable de réaliser. Fait que tu mets ta soirée. Oui, je trouve que ça conclut très bien, là, parce que si tu nous ramènes à l'action, ce qui est fondamental, parce que souvent les gens sont passifs puis ils passent pas à l'action, on fait juste parler supramental, puis ça demeure de la théorie. Et ça a été le cas quand j'en ai parlé avec plein de monde, puis je veux dire, c'est important de ramener ça sur quelque chose de pratique pour pas que ça soit juste théorique. Fait que... Je suis bien d'accord avec vous, mon chanéo. Ah, ben, je te reflétais ce que tu me disais, fait que... Ça m'étonne. Je pensais que c'est toi qui l'avais défendu, ça. Là. OK. Je trouve que ça n'a pas d'importance d'où ça part, d'où ça vient. Hein. Non, c'est ça. Exactement. Fait que, ben, écoute, je te remercie beaucoup, encore une fois, d'avoir accepté l'invitation pour venir à mon émission et d'avoir généreusement répondu à mes questions. Puis Hey, on n'a pas eu de pause café, hein? Ah non, ça a été d'une traite. Ouais, je pensais pas que mon téléphone t'a pris le coup. Je suis cabure à la batterie, moi, là, je t'ai cassé de l'air. Okay. Il y a des gens aussi qui souhaitent bonne fin de soirée, qui nous remercient, puis qu'il y en a qui ont aimé l'émission aussi. Puis, fait que, bon, ben, à bientôt, Daniel. Merci beaucoup. À la prochaine. Salut tout le monde. Bye. Bye.